radio, appelle le 02 38 43 48 00. Il paraît que le rock'n'roll, ça sonne pas en français. Pourquoi je m'emmerde avec ces paroles? J'aurais dû naître anglais. Allez, va. Rockstar. Le rock en France, on sait pas faire. Ça vaut pas les vitesses. Moi j'en ai rien à foutre de Liverpool. Shining and a river flows. The trial's quiet, but not for long. A loud sound and a martyr song. We check the paddles, but drift to the north. Nobody's gate. jamais un rêve, jamais je n'ai osé de peur qu'on me relève après m'être effondré. como comité de expertos, el primer informe publicado en 7 años asegura que la temperatura global de la Tierra puede subir en más de 2,5 grados si el mundo continúa al actual ritmo de emisiones de gases de efecto invernadero. Este aumento llevará al planeta consecuencias extremas. Hablamos de sequías, hablamos de inundaciones y de olas de calor. Bonsoir chers auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, le vendredi soir, votre rendez-vous à partir de 19h, c'est l'émission Mavrika depuis bientôt 16 ans hein, sur le 96.2 MHz et sur radio-arc-en-ciel.com. Vous êtes donc sur Radio Arc-en-Ciel et on a l'habitude de recevoir des invités dans les studios de la radio hein, pour présenter leur travail. Donc la semaine dernière, nous avions reçu les Butterflies, on a passé un très bon moment avec eux. Ils étaient en première partie du concert le lendemain, le concert de Sika, donc le concert de la sortie de l'album. On en parlera peut-être un petit peu avec notre ami Didier qui est là dans les studios, puisqu'on était tous les deux présents, hein. C'était normal, puisque c'est un groupe qu'on suit déjà depuis pas mal de temps, le groupe Sika, et le plaisir aussi de retrouver les Butterflies. On s'était quittés en début du samedi, on s'est retrouvés le samedi même, donc au concert. La semaine prochaine, je reçois un artiste qui nous vient de la région parisienne, qui s'appelle Alex Delapaix. Alors moi, c'est vraiment une découverte totale, hein. Donc ça sera l'occasion justement de vous faire découvrir aussi par la même occasion cet artiste. On recevra aussi le 6, donc ça sera le 30 janvier. Le 6 février, on recevra ici un groupe qui s'appelle Modarn. Ça sera la première fois qu'il vient dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. On va découvrir à nouveau. Donc il y a beaucoup d'exclus hein, ces prochaines semaines. Le 13 février, ça sera Dirty Kitten dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Le 27 février, on recevra Nightfall District, un groupe qui nous vient de Lille, tout simplement. Hein, donc, ils viennent spécialement pour l'émission Mavrika. Ils nous ont contactés, on a arrêté cette date-là et ils seront avec nous. Donc, d'ici là, bah, on a encore un peu de temps. Et pour le 3 avril, on va recevoir ici le... C'est pas un groupe, hein, ça s'appelle Lonesome Sonic Watson. Alors, Lonesome, ça veut dire qu'il est tout seul. Sonic, parce qu'il a joué, il est venu dans les Mavrika là avec un groupe qui s'appelle Sonic Lag. voyez de qui je veux parler. Et avant ça, il était venu avec un groupe qui s'appelait Goodbye Watson. Donc c'est notre ami Christian qui sera ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel en solo. Et voilà. Hein. Donc le 10 avril, nous aurons Oniris qui viendra, puisqu'il y aura de l'actualité. Ce groupe-là était déjà venu il y a quelques mois, pour ne pas dire des années, dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. On les a déjà découverts et cette fois-ci, ils reviennent parce qu'il y a de l'actualité. Je crois qu'il y a une sortie d'album. Donc voilà, le rendez-vous est pris. En attendant, ce soir, nous avons la chance d'avoir dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, une fois de plus, une grande artiste, hein, parce que les meilleurs artistes viennent dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, dans l'émission Mavrica. Et ce soir, nous avons avec nous Mélanie Diss. Juste avant de la retrouver, on va écouter donc, comme je l'avais dit, les Butterflies. Ils étaient nos invités la semaine dernière et vous allez voir, ça va un peu nous détendre puisque c'est de la musique super agréable à écouter. Les Butterflies avec un titre qui s'appelle Red. Smiling in that red dress, your tears in me. time to stop biting your echo. D'écouter les Butterflies, ils étaient dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, donc c'est un duo composé de Johan et Émilie, et ils étaient en première partie donc du concert de Sika le lendemain à l'Alliage à Olivet. Voilà, c'était l'édition numéro 670, voilà, si je me trompe pas, et si vous l'avez loupé, hein, c'est vraiment dommage pour vous, mais vous pouvez encore vous rattraper, puisqu'on va remercier à nouveau notre ami Florent de faire les podcasts pour que les gens puissent écouter l'émission si ça leur a plu, la réécouter si ça les a plu, l'écouter s'ils l'ont loupé, et puis surtout vous pouvez aussi télécharger les dossiers pour pouvoir les écouter quand vous avez envie, quand vous êtes hors connexion par exemple, ou alors si vous voulez conserver dans vos archives les meilleurs moments de l'émission Mavrika. Voilà, donc si vous avez bien suivi, aujourd'hui c'est l'édition numéro 671 et nous recevons pour cette occasion Mélanie Dis. Bonsoir Mélanie. Bonsoir à tous les auditeurs. Voilà, ça fait plaisir, voilà, on entend ta voix. Donc là, on est dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Aujourd'hui, donc c'est la première fois que tu viens dans l'émission Mavrika. Oui, c'est la toute première fois. Je te remercie beaucoup de m'avoir invité, de m'avoir fait une place dans ton emploi du temps. Je suis vraiment très, très touchée. Ouais, parce qu'on a à peu près, par semaine, on a à peu près 3 demandes. Et donc, on essaie de mettre au fur et à mesure. Et donc, on propose des dates. Des fois, c'est bon, des fois, c'est pas bon. On est obligé de déplacer. Et toi, je t'ai proposé une date et hop, ça s'est fait. Donc, impeccable. Tu es là ce soir. Parfait. Pour notre plus grand plaisir. Le timing était parfait. C'est la première fois que tu viens dans l'émission Mavrika. L'émission a déjà 16 ans et pourtant je te connais déjà depuis pas mal de temps, puisque oui, tu étais déjà venu plusieurs fois dans les studios de la radio. Oui, et j'oublie pas, en fait Radio Arc-en-Ciel a été ma toute première radio. D'accord. Ça a été la toute première radio qui a accepté de passer mes titres et qui m'a reçu en tant qu'invité il y a 21 ans maintenant. Ah, ça date, hein. C'est vrai que le temps passe à une vitesse, c'est incroyable. Oui. Et c'est vrai que moi, je t'avais vu ici, c'était à l'occasion d'un enregistrement public, je pense, c'était dans la salle en bas. Oui, c'est ça, il y avait du public et je venais chanter mes premières chansons. Ouais, et puis c'était avec Sébastien Abraham. Sébastien qui a fait partie de la maison pendant pas mal de temps, qui aujourd'hui est dans d'autres radios aussi. Mmh. Mais effectivement, et avec lequel on a travaillé beaucoup ici c'est grâce à lui qu'on a commencé à faire les premiers Mavrika Live, il faut quand même le dire, hein. Et depuis on en réalise assez régulièrement. Tu t'es venu aussi dans l'émission de notre regretté Michel, tu m'as dit. Oui, oui. Donc Michel qui était vraiment le roi de l'accordéon, hein. C'est vrai que quand il est parti, après, ça manquait un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui nous demandaient, voilà, il n'y a plus d'émission d'accordéon. C'est un personnage, Michel. Et ce que je ne savais pas, c'était il a un record au niveau de la France. C'était le plus ancien animateur de France, officiellement. Hein, oui, donc c'est vrai qu'il a continué, il avait un âge assez avancé, il a continué longtemps. Et on pense à toi, hein, Michel, hein, si tu nous écoutes là-haut, on l'oublie pas. C'est toujours avec beaucoup de tendresse que je reviens ici, parce que justement, j'ai tous les souvenirs avec Michel, parce que c'est lui qui m'avait fait une place dans son émission Accordéon pour de la chanson française à ce moment-là. C'est toujours touchant de revenir ici, parce que c'est un peu comme s'il était toujours un petit peu dans les murs de Radio Arc-en-Ciel. Tout à fait. Et puis, il y a aussi quelqu'un qui a repris justement cette émission, c'est c'est Nicolas. Et tu m'as dit aussi que oui. tu connaissais Nicolas, que régulièrement vous échangez et tout ça. Oui, donc voilà, c'est la famille de Radio Arc-en-Ciel, ça nous fait vraiment plaisir. Et je le remercie parce qu'il ne m'oublie pas, il m'envoie toujours des petits mots pour me dire « je passe tes nouveaux titres, je passe tes nouveaux titres ». Donc s'il nous écoute ce soir, je lui fais plein de gros bisous à Nicolas. Très bien, et bah, le message est passé. On a aussi Didier qui est là. Salut Didier. Eh ben, salut à vous toutes, salut à vous tous. Bonsoir Didier. Ça va? Et toi? Ça va bien, ouais, très très bien. Sourire, ouais. Je suis en train de réaliser que j'ai même pas présenté les titres que j'ai balancés depuis le début de l'émission. Ah, parce c'est que, pas bien ça. Ouais, c'est vrai que habituellement je le dis pendant le générique, mais là j'ai pas eu trop le temps. Donc on avait commencé l'émission par La Jarry avec Liverpool, un morceau qui est assez ancien mais qui nous fait toujours autant bouger. Hein. C'est vrai que c'est un super bon morceau. On a écouté aussi les Twister Covers qui étaient nos invités il y a quelques semaines avec Sailing on the Water. On a écouté aussi Oscle avec un enregistrement qui a été fait lors du précédent Maverick Alive. Donc c'était le Maverick Alive numéro 15. Et donc ça avait été enregistré en multipiste, ça a été remixé par leurs soins. Et on l'écoute avec beaucoup de plaisir. Alors Oscle, c'est l'ancien groupe qui s'appelait BRS. BRS. Donc Blues, Rock, Soul. Et aujourd'hui c'est Oscle. Donc le morceau s'appelle Love is Answer. Je sais pas si je le dis bien. Moi l'anglais vous savez c'est approximatif. Hein. On a écouté aussi Alex Le Bail, La Vie. C'est quelqu'un que tu connais aussi. Ah bah oui bien sûr. C'est lui qui m'a dit. Bon ami, Alex. Je connais une artiste qui est super et tout ça et qui aimerait bien passer dans ton émission et elle s'appelle Mélanie 10. Je dis oui, je vois qui c'est, je la connais, c'est effectivement. Et donc c'est un peu grâce à lui qu'on est là tous ensemble ce soir en tout cas. Et oui, effectivement et je le remercie beaucoup Alex parce que c'est il y a pas beaucoup d'artistes avec lesquels on peut faire preuve de solidarité et de partage et Alex quand on lui dit voilà je cherche un peu les radios pour promouvoir le nouvel album c'est le premier qui répond présent. Ça m'étonne pas d'Alex d'ailleurs. Voilà. D'ailleurs Alex il est gentil même des fois trop gentil parce que la dernière fois il était dans l'émission et puis il se disait ouais moi j'essaie de tout humble. Le monde il était un petit ouais très humble. Ouais, humble ouais. Et à côté de ça il dit ouais il y a plein de gens que j'ai lancé un petit peu et aujourd'hui j'ai même plus de nouvelles, c'est un petit peu dommage. Voilà, je dis mais écoute c'est la vie, c'est qu'est-ce que tu veux. Mais bon, heureusement il y a des gens qui le reconnaissent, qui l'oublient pas, heureusement. Donc après les autres s'ils nous oublient, c'est pas grave, on les oublie aussi et il y a pas de problème. On a écouté aussi El Coyote avec La Mélancolie, donc un nouveau morceau. Alors, El Coyote n'est pas encore dans l'émission Maverica, mais il va falloir qu'on cale une date parce que c'est un groupe que j'ai rencontré déjà il y a plus d'un an. Hein. Le temps passe très vite et toujours pas trouvé de date pour venir dans l'émission. Donc, si nous écoutent, on va essayer de les caler. Et à l'instant, donc comme je vous l'avais dit, les Butterflies avec Red. Voilà. Donc, Mélanie, tu m'as dit, voilà, il y a 21 ans. 21 ans, oui. Donc, tu as commencé à chanter à quel âge à... Est-ce que vraiment je parle d'âge Non, mais au berceau, ça veut dire. T'as commencé oui, vraiment. Fais le brailler au berceau. Aïe, aïe, aïe. Moi, je sens qu'on va bientôt arriver sur. Mais t'as quel âge? Alors, je le demanderai pas. Je suis comme Obélix, je suis tombée dedans quand j'étais petite, ça c'est sûr. Voilà, c'est voilà ce que je voulais t'entendre parler. Pas au niveau du poids, hein. Ces derniers temps, là, avec toutes les galettes, raclettes, tartiflettes, si peut-être d'accord. Un petit peu. Ouais, mais bon, c'est l'hiver, on consomme aussi beaucoup de calories, donc on a besoin. Donc oui, je suis tombée dedans quand j'étais petite parce que je suis issue d'une famille de musiciens. Ah oui, ça aide. Et puis j'ai joué longtemps d'un instrument qui n'est peut-être pas très sexy pour une femme. J'ai joué du clairon et après c'était plutôt le chant. Donc c'était difficile de concilier les deux. Donc j'ai dû faire un choix. Ouais, parce que chanter et jouer du clairon en même temps, c'est pas évident. C'est dommage que je l'ai pas su parce que j'aurais bien voulu entendre du clairon ce soir. Bon, on avait fait une surprise. Hein. Donc Didier, tu as amené un clairon. Et on va avoir droit à un live. Oh c'est ça. Non, c'est une blague. Bon, bah là, du coup, ça va être plutôt. Ah, ça va glisser avec l'ongle. Le chant des canards, ça sera pas le chant du cygne, mais ça sera plutôt le chant des canards. Là, si vous me sortez non, un clairon maintenant. Pas, d'accord, pas, mais comme quoi, la musique, on peut commencer avec un instrument et continuer avec un autre. Donc, si un auditeur a un clairon, il peut passer nous l'aider. Hein. Bien sûr. Il peut venir même jouer. Bon, après, chanter avec un clairon, c'est trop compliqué. C'est un peu compliqué, hein. Surtout si c'est pas prévu. On a déjà fait des trucs comme ça dans l'émission, c'est-à-dire qu'on a mis ensemble des musiciens qui avaient jamais joué ensemble, et ils nous ont fait des petits lives, et ça s'est super bien passé. Mais bon, là, mettre un clairon dans les chansons de Mélanie, ça va peut-être pas le faire. Non, on va prendre une autre direction musicale. Tu faisais partie d'une fanfare, non? Il voulait te casser. Oui, c'est ça. J'ai grandi, en fait, dans une batterie fanfare. D'accord. Mon père était le chef d'orchestre, ma mère jouait de la grosse caisse, donc moi je jouais du clairon, j'ai appris la trompette, j'avais mon oncle qui était au tambour, enfin vraiment c'était la batterie fanfare, on faisait les défilés vraiment et puis après j'ai basculé dans le chant au collège lorsque je me suis retrouvée victime de harcèlement scolaire. Ça existait déjà beaucoup mais on n'en parlait pas à cette époque-là. Puis quand on en parlait aux parents, c'était défends-toi. Colle-lui une claque, faut-lui une raclée. Sauf que moi, je suis pas violente pour dessous. Bon, aujourd'hui, c'est différent. Dès qu'il faut faire preuve de force, je suis une vraie. Enfin, je tremble, quoi. Mm. Donc non, je suis pas violente pour dessous. Et puis c'est en chantant des chansons de Céline Dion et puis Lara Fabian que du coup le harcèlement scolaire s'est atténué. Parce que d'un seul coup, je n'étais plus la rousse, la petite enrobée rousse. Oui, maintenant je suis plus trop rousse. Je suis plus trop rousse maintenant. Tu es brune. Oui, je suis très brune maintenant. mais non, je suis une rousse en fait. Mais du coup, j'étais plus la petite rondouillette avec tous ces petits bourrelets, tout ça rousse. J'étais devenue celle qui avait une voix. Donc du coup, le harcèlement scolaire a basculé petit à petit et du coup, je me suis accrochée à la chanson. C'est bien. Et ça a été ma bouée de sauvetage. Très bien, donc c'est une thérapie de la musique, hein. D'ailleurs, c'était le sujet de ton émission d'hier. La musicothérapie. Ouais, musicothérapie. Donc voilà, c'est une thérapie pour les gens qui écoutent, mais aussi pour ceux qui l'interprètent. Ça, j'ai déjà entendu plusieurs fois des gens qui se réfugient dans la musique. Après, moi, c'était en EHPAD d'ailleurs. Ouais, c'était en EHPAD. C'était avec Alzheimer, tout ça, mais. Mais ça les aide aussi. Ah oui, tout à fait. Bah justement, je pense que si tu avais passé des morceaux de Mélanie, ils auraient été beaucoup mieux. Voilà. Mais je chante beaucoup dans les EHPAD. Et ça se passe super bien. Je te recevrai peut-être un jour dans mon émission, puis tu viendras en parler. Mais pas de problème, avec grand plaisir. Parce que pour beaucoup, c'est peut-être un peu péjoratif de dire je suis chanteuse dans les EHPAD, pas du tout, au contraire. Parce que ça leur fait tellement de bien quand on va chanter là-bas. Ça leur fait tellement de bien que du coup, on sent que cet art, il est utile. Bien sûr. Donc, surtout que tu reprends des chansons françaises qu'ils comprennent en général. Oui. Ils peuvent même choisir dans mon répertoire. Musicalement, leur rappelle des souvenirs et ça leur remonte et ça fait de la musicothérapie un petit peu. C'est aussi. C'est ça, exactement. Bah justement, on a commencé à aborder la prochaine question puisque. Tu reprends des chansons, tu m'as parlé de Lara Fabian, de Céline Dion, etc. Mais tu as aussi tes chansons à toi. Oui, c'est d'ailleurs le principe d'être venu dans l'émission, c'est que j'ai mes propres chansons. C'est important pour un artiste de ne pas faire que de la reprise, je trouve. C'est important aussi de proposer des chansons qui nous collent à la peau avec nos propres mots, nos propres textes, ou au moins si on travaille avec des auteurs, au moins de faire en sorte que les textes que l'on choisit des auteurs nous ressemblent vraiment. Et dans le dernier album, je suis vraiment contente parce qu'il y a 70% de textes, donc c'est moi l'auteur, et 30% de textes où c'est la première fois que je laisse des auteurs revenir dans mon univers musical. D'accord. Et je suis vraiment très très très très fière des textes qu'on m'a proposés, des personnes qui me les ont proposés. Alors, tu nous as parlé d'un album, justement, on va en parler aujourd'hui, on va le découvrir. Alors, l'album s'appelle Sincère. Sincère. Et il est sorti quand ? Il est sorti au mois de mai. Au mois de mai, donc voilà, il est tout récent. Oui. Tu es en train de le défendre depuis un certain temps. Oui. Est-ce que tu as fait beaucoup de concerts dernièrement ? J'en fais tout le temps. Tout le temps. J'en fais tout le temps. Bon, après, le dernier en date qui était dans la région, c'était pour le Téléthon. D'accord. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, j'étais à Neuville-aux-Bois. Et d'ailleurs, j'y serai encore cette année, le 5 décembre, le samedi 5 décembre, je serai à Neuville-aux-Bois encore pour le Téléthon. D'accord. Ça s'est tellement bien passé que du coup, on a re-signé pour cette année. Faut le marquer dans les agendas. Voilà. Ah oui, notez-le dans l'agenda parce que cette année, ils ont été surpris. Ils ont dû refuser du monde. Ah bah super. Ils étaient complets, archi-complets, et ils ont dû refuser du monde. Et ils ne s'attendaient pas en fait à ce que ça remplisse autant la salle. Donc d'accord. Là, c'est le 5 décembre à Neuville pour le Téléthon. Bon, celle-là, elle est déjà sûre et certaine. Donc là, vous pouvez déjà noter dans l'agenda 5 décembre à Neuville-aux-Bois. Est-ce qu'il y a d'autres dates, justement, dans les semaines que tu peux annoncer dès maintenant? Alors, il y en a quelques-unes qui... Alors, je ne peux pas les annoncer. Je pense qu'on en parlera plus tard parce que pour l'instant, c'est en pourparler. D'accord, c'est donc, pas encore officiel. J'ai envoyé les devis et tout ça. J'attends les retours. Mais il y en a des jolis qui arrivent là. D'accord. Alors, toi, tu es sur les réseaux sociaux. Oui. Par exemple, sur Facebook. TikTok, Facebook, YouTube, Instagram. Snapchat. Alors, Snapchat, pas du non. tout. Non. C'est pour les jeunes, non, ça. Non, pas du tout. oui, je pense que c'est un petit peu ça. J'avais averti dès le début. Hein. Ouais, j'avoue que Snapchat, le principe... Vous connaissez pas. C'est d'envoyer des trucs que les gens regardent pendant quelques secondes et après, ça revient pas. Donc, je vois pas l'intérêt. S'il n'y a pas de traces qui reste, j'en vois pas l'intérêt, quoi. Puis en plus, avec Snapchat, on peut être fliqué, savoir où est-ce qu'on est, là. La géolocalisation. Avec le reste, t'es pas fliqué. Avec les autres aussi, non, j'ai loin, pas envie que mes amants savent où est-ce que je me trouve. D'accord. Non, je plaisante. Hein. Alors, c'est enregistré, et ça sera dans le podcast. Ouais, et il y a plein de gens qui m'ont demandé où est-ce qu'elle était, justement. Là, ce soir, elle avait tout dans le studio. Ils vont débarquer. Donc, non, pour rigoler, pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est juste une question d'humour, on est d'accord. Oui, hein, d'accord. Voilà, donc je tiens à le préciser. L'émission, on va la faire dans la bonne humeur, ça, on s'en doutait un petit peu. Hein, donc, c'est important. Oui, c'est important. La vie est trop triste, on est bien déjà. Alors, si en plus, on vient et puis que je vous parle que des choses tristes, non, je vois pas l'intérêt. On vient. Donc, justement, en consultant tous ces réseaux sociaux, on peut être au courant des prochains événements. Donc, oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Je publie très régulièrement. D'accord, très oui, bien. Oui, il y a un site internet. Un site internet aussi. Oui. Donc, en allant sur le site, on tape Mélanie... Oh, bon, on va dans Google, on tape Mélanie 10, on a tout. Alors, c'est D'IS. Oui, I parce que moi, quand I2S. Quand j'ai fait des recherches, je ne suis pas tombé sur la même Mélanie 10. Ah, bon. J'ai cherché, c'était une influenceuse qui fait un petit peu des voyages partout et tout. Ouais, elle mais fait beaucoup, dans le côté entrepreneurial, il n'y avait pas de. Il n'y avait pas de. Ah, il n'y avait pas d'apostrophe. Voilà. Oui, là, oui, l'apostrophe est très important. Ouais. Donc voilà, et c'est bien de le dire, c'est bien de puis le dire. C'est pas le même visage. Elle était peut-être plus belle aussi. Hein. Bon, c'est pas une histoire de beauté, c'est une histoire, c'est pas la même personne. C'est pas la même chose. C'est pas la même personne, c'est pas celle qu'on voulait. Heureusement, dans les amants viennent me casser la figure. Quoique, si ça avait été au mois d'octobre, tu aurais vu sûrement Mélanie 10 voyageuse. Oui, oui, oui, j'ai vu. Au mois d'octobre. J'ai déjà fouillé, j'ai fait ce qu'on appelle dans le jargon du doxing. Oh! Doxing. Voilà. T'as été regarder un petit peu. Ouais, tu sais, des fois, tu peux rechercher loin. Oui. Il y a même des choses que j'aimerais que ça disparaisse de la toile, mais ça, c'est impossible à enlever. Juste une petite parenthèse, tout à l'heure, on était en train de discuter chez moi, et puis avec des amis, et puis on s'est rappelé d'un musicien qui s'appelait Joël, qui est venu très souvent ici dans nos studios, hein, il faisait partie de l'équipe qui venait régulièrement ici, il avait fait le son des Maverick Live, il avait fait aussi le son du Dropkick à Orléans, et c'était un musicien, virtuose de la guitare, et en fouillant un petit peu dans les vidéos qu'on avait, qu'on peut aller voir sur YouTube, hein, par exemple, on est retombé sur quelque chose qu'on avait fait, que j'avais un petit peu occulté dans ma mémoire. C'était un enregistrement, on a enregistré une chanson qui s'appelait, c'était une reprise des Beatles, c'était Let It Be et Hey Jude. Et on avait fait chanté, toi Lady Jude. Oui, on me voit chanter, effectivement. C'est un scoop, là. Ouais, c'est un scoop. Non, mais je suis dans les chœurs. Il y avait un vrai chanteur, des vrais musiciens. Et moi, j'étais dans les chœurs. Et j'ai revu ça, je dis, ouais, on a des souvenirs comme ça. On s'en souvenait plus, aujourd'hui. Mais heureusement. J'ai rechanté. Et il se moque de moi en plus. Hein. Et moi, je ne veux rien dire. Des fois, je te fais rouge. On va régler nos comptes après l'émission. Au coin à gauche derrière. Très bien. Donc voilà, pour comme quoi on peut rechercher pas mal de choses. Donc l'album est sorti au mois de mai. Donc on peut retrouver ça aussi sûrement. Ah oui, oui, on peut le retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement. Donc sans problème, hein. Enfin, on a eu du mal parce que ça a été, enfin, ça a été bloqué pendant 5 mois. Ils comprenaient pas où était la faille, et puis, après ils ont débloqué, puis les gens ont pu le trouver sur iTunes, Spotify. D'accord. Et tout ça, quoi. Mm-hmm. Mais au début, on pouvait le trouver que sur YouTube. Alors du coup, c'était pas top. Bah oui, parce que ça limite un petit peu. Ça limite un petit peu, oui. Ouais. Ça a fait un peu, comme on dit, capoter la promo qui a été lancée depuis le mois de mai, quoi. Il y avait un bug ou comment ça passe? Oui, il y a eu un bug sur la sortie de. Il y a eu un bug sur la sortie de l'album. D'accord. Bon. Voilà, bon, qui a été résolu. Alex, il a eu un bug aussi. Au bout de 5 mois, ça a été résolu parce que j'aurais dit, bah non, ça fonctionne toujours pas. Les gens voudraient le trouver sur Spotify ou sur iTunes, et ils le trouvent pas. Alors que moi, quand j'allais sur mon portail, ça me disait que si, il était en ligne sur toutes les plateformes, quoi. Donc, la technique, c'est bien quand ça fonctionne, hein. Dès qu'il y a des soucis, des fois après, on n'arrive plus à s'en sortir. Mais heureusement, ça a été résolu. Donc aujourd'hui, les gens qui nous écoutent peuvent aller découvrir tes morceaux. Exactement. Mais on est à la radio, on est là aussi pour en faire découvrir. Bien sûr. Alors l'album s'appelle Sincère. Oui. Et dedans, il y a une chanson qui s'appelle du même titre. C'est celle qu'on va écouter juste après. Exactement. Mais je voudrais que tu me parles un petit peu des morceaux. Alors tu m'as dit que tu avais écrit pas mal de ces morceaux-là. Je ne sais plus combien de pourcentages. 70%. 70%. Il y a d'autres auteurs. C'est précis, 70%. Il y a aussi d'autres auteurs. Oui, exactement. Et pour la musique, comment ça se passe? C'est toi qui l'as fait? Alors, la musique, on a été... alors, il y en a trois où vraiment je n'ai pas... j'ai adhéré vraiment aux paroles et à la musique. Et les autres, elles ont été créées, mais alors de A à Z... entre le compositeur qui est Guillaume Martial, qui est bassiste de Benabar. D'accord. Ah oui, carrément. Ah oui, oui, oui. Ah bah ça, je pourrais t'en parler un petit peu parce que comment on en est venu à rencontrer Guillaume Martial, et ben c'est par rapport à l'émission La Lettre, où j'ai pu chanter un duo à la télévision avec Benabar, qui est mon idole. D'accord, bah super. Voilà. T'es pas la seule. Je connais d'autres personnes qui adorent Benabar. Donc, c'est un grand artiste français. Hein. Avoir joué avec lui, avoir. C'était mon rêve. Voilà. Alors, c'était mon rêve de. Quand j'avais 16 ans, en fait, je m'imaginais dans ma chambre en train de chanter une de ses chansons, Je suis de sel, en duo avec lui. Et j'imaginais le grand piano noir, j'imaginais les rideaux rouges. J'avais 16 ans, quoi. T'en as 17 et t'as rêvé. C'était l'année dernière. Et l'année du Covid, l'année où j'ai tout perdu musicalement. Où là, je me suis vraiment posé des questions de savoir si j'allais reprendre, comme beaucoup d'artistes, la chanson ou pas, parce que ça nous a vraiment mis à mal le Covid. Et ben l'année où il y a eu le Covid, j'ai fait cette émission-là, où à la base, on m'a contacté pour passer un casting. Et on m'a dit, c'est un casting pour une nouvelle émission de télévision. Et j'ai dit, tant pis, j'y vais. Tant pis, je sais pas où je mets les pieds, mais c'est pas grave, j'y vais. Et en fait, c'était une surprise. D'accord. Donc je n'étais pas au courant du tout. C'était même pas préparé alors. Non, c'était vraiment pas préparé du tout. Je me suis vraiment demandé qu'est-ce qui est en train de se passer. Hein. Et la surprise, c'était de rencontrer Benabar. Et sur cette émission, il m'a fait le grand honneur de chanter en duo avec moi, Je suis de sel. Et comme dans mes rêves, à 16 ans, il y avait ce grand piano à queue noire, il y avait ces grands rideaux rouges. Donc un rêve qui se réalise comme ça en direct, alors que tu ne t'y attendais vraiment pas. Quoi. Non, vraiment pas. Comme quoi, il ne faut jamais renoncer à ses rêves. Et l'année où j'ai tout perdu. Donc quand on me dit les rêves sont impossibles, je suis la preuve vivante que non, les rêves ne sont pas impossibles. Il faut toujours continuer. Je suis un grand rêveur, moi. Ouais, mais moi je pense que des rêves, quand on a des rêves comme ça, il faut toujours s'accrocher à ça. Ah oui. Et quoi qu'il arrive, ce qui serait dommage, c'est de ne pas avoir essayé. Et quand on essaie de les atteindre, même si on n'atteint pas tout à fait le rêve qu'on voulait, on a quand même fait du chemin et c'est aussi important. Donc, et toi en plus, t'as vraiment la chance. Tu l'avais pas prévu et tu t'es retrouvé vraiment tel que tu l'avais rêvé dans la situation. Exactement. Avec Benabar, etc. Le piano, les lumières, la scène, c'était incroyable, le public, parce et tout que ça. J'avais vraiment l'impression de vivre mon rêve de gamine de 16 ans. Et je me suis demandé si c'était la réalité, si c'était vraiment ce qui s'était vraiment en train de se passer, ou si j'étais vraiment dans un autre monde parallèle. C'est vraiment perturbant. Mais ce soir, tu sais que t'es pas à la radio, là. Tu rêves. Mais je me demande où est-ce que je suis. C'est un rêve. C'était incroyable. Et du coup, après, il y avait donc Guillaume Martial, qui est son bassiste sur la tournée et qui a fait les arrangements musicaux depuis son album Feu de joie. Et puis, on a été le voir en concert. On était voir Benabar en concert. Et là, Guillaume est passé. Il m'a dit, oh, je voulais te dire que c'est moi qui a mixé ta voix sur l'émission. Et il m'a dit, j'avais vraiment la chair de poule. Vraiment, félicitations. Et je suis rentrée chez moi et j'ai dit, mais Mélanie, mais qu'est-ce que tu es bête. Tu as le gars qui vient te voir te féliciter, qui te dit que c'est lui qui fait... Enfin, ça a été annoncé comme quoi il a fait tous les arrangements de la tournée. Il vient te féliciter en disant que ta voix lui a donné de l'émotion. Et tu vas même pas lui dire, tiens, on essaierait pas de faire une chanson ensemble. Il a fallu que je rentre chez moi et j'ai été pour sur réaliser, Facebook. Quoi, tu réalisais ouais, même pas. Hein. Et je me suis retrouvée devant mon ordinateur et je dis, ouais, qui tente rien n'a rien. Je me suis dit, le destin a fait que, donc j'y vais. Et j'ai envoyé un petit message en lui demandant s'il accepterait de faire une chanson pour une petite chanteuse de campagne qui était pas connue. Voilà, j'ai demandé comme ça. Comme ça. Et il m'a répondu. Oui. Au bout d'un mois. Donc pour moi, c'était oublié, hein. Donc il m'a répondu au bout d'un mois. Envoie-moi des textes. Envoie-moi à peu près 6 textes. Et si l'un d'entre eux me parle, dans ce cas-là, je te ferai une proposition. Et là, je me suis mise à l'écriture. D'accord. Ah ouais, et okay, je me suis dit, bon, bah là, c'est la chance de ta vie. Tu voulais un album pour tes 20 ans de métier. Tu voulais un album, mais donc, exceptionnel. 16 ans, 20 ans. Je suis en train de faire le calcul. Si tu veux savoir l'âge que j'ai, et je l'assume. Non, mais je l'assume. Non. Je l'assume. On pose pas la question. Bien. J'ai eu 40 ans. Ah, ça s'arrose. Voilà, on a fait la fête, hein. On a bien arrosé ça. D'accord, donc bah voilà, maintenant ouais, j'avais dit 16 ans, il y a 20 ans, ouais. Clac, c'était pas loin. Hein. Ouais, t'étais pas loin, t'avais... 16 et 20. T'étais tombé à combien, toi? Ouais, j'avais calculé à peu près comme ça, comme on dit dans le sud, d'un bistrot des Narnes, à vue de nez, 38, j'allais dire, tu vois. On me rajeunit toujours un petit peu, c'est chouette. Je prends. Très bien, donc t'as vécu un rêve et pour tes 20 ans de carrière, parce que tu chantes depuis 20 ans déjà. Oui, et... je suis sortie du lycée, ouais. On m'a toujours demandé qu'est-ce que je voulais faire à l'école et j'ai toujours répondu chanteuse. Et quand je suis sortie du lycée, j'ai tout fait pour être chanteuse. J'ai dit voilà, c'est bon, je vais être chanteuse. D'accord. Et je me suis lancée dedans. Mais il y a beaucoup de gens, c'est le rêve de beaucoup de personnes. Alors souvent, moi j'entends souvent les jeunes, c'est soit chanteur ou alors sportif, footballeur, etc. Moi je veux être Kylian Mbappé. Ah ouais, toi c'était le football. C'est trop tard. Non, jamais. C'est le football. Non, toi. Moi je voulais être moi-même. Et donc ça c'est des rêves et souvent on dit ouais ça va rester à l'état de rêve, mais toi t'as continué à t'accrocher à ce rêve-là. Oui. Et tu es devenue chanteuse et puis aujourd'hui donc sortie d'un album là il y a pas très longtemps. Cet album-là tu l'as enregistré où? Cet album-là, il a été enregistré au studio Godiva à Bordeaux. D'accord. Dans le studio de Guillaume Martial, justement. Bordeaux, c'est une belle ville. D'accord. Et oui. Donc, j'ai passé des journées entières avec Guillaume à créer les chansons, mais vraiment de la base des paroles, à faire tourner des accords, à trouver une mélodie et jusqu'aux arrangements, quoi. D'accord, ça a été vraiment construit tout dans le studio, alors? Ah oui, ah ouais, intégralement. Parce que c'est pas comme certains artistes qui composent tout à la maison, ils répètent à la maison et un jour ils vont au studio pour enregistrer. Toi, non, c'était une création. Et ça a été vraiment un apprentissage parce qu'il m'a vraiment montré comment on faisait naître une chanson. D'accord. Et ça, c'était impressionnant parce que c'est vrai qu'avant, je faisais appel à des compositeurs et souvent, il n'y avait pas ce côté homogène entre ma voix, entre les paroles. Et on me proposait souvent des instrumentales qui étaient déjà toutes faites et pas spécialement à ma tonalité, sur lesquelles je m'adaptais. Donc, ça ne rendait pas spécialement un travail qui me représentait vraiment. Alors que là... Il me disait, est-ce que tu aimes bien comme ça? Est-ce que tu préfères comme ça? Sinon, si je te fais tourner ces accords-là, là, tu vois, on pourrait faire un pont. Là, on peut faire ça. Et du coup, et j'avais vraiment mon mot à dire sur l'intégralité, naissance de la chanson. Et du coup, toutes les chansons de l'album me collent vraiment à la peau et je suis vraiment très, très, très, très fière de cet album. On papote déjà depuis pas mal de temps. On a donné envie aux auditeurs d'écouter enfin ta voix. Et donc, on va ce morceau qui s'appelle Sincère. On va l'écouter tout de suite. C'est le titre de l'album. On va l'écouter et puis on continue à discuter juste après parce qu'on a encore plein de morceaux à écouter et on a plein de choses à apprendre. On a envie de poser plein de questions encore déjà. C'est parti, on écoute Sincère, Mélanie 10. Parler sans se mordre les joues, sans tordre ses genoux, à voix haute et posée. Tenter de ne pas suivre le vent qui tourne tout le temps, mais son cœur régulier. Donner sans jouer double jeu, les yeux au fond des cieux, ce que l'on peut donner. Aimer sans jamais déguiser, sentiments et pensées, comme ces fruits trop sucrés. Être sincère, la la la, la la la, la la la. Sans faire de détour de mystère, oser être sincère, la la la, la la la, la la la. Tout se dire ou se taire, tout se dire ou se taire. Comme on l'aime, comme pour s'aimer soi-même et ne jamais se fuir. Lui dire sans farer, sans détour, sans faire de grands discours, le meilleur comme le pire. Tomber et le masque et le voile, même si ça doit faire mal. Et lorsqu'il est tombé, laisser couler l'eau sur nos joues et le flot jamais flou de nos lèvres blessées.

Voilà, retour dans les studios de Radio Arc-en-Ciel avec notre invité de cette émission numéro 671. Et c'est Mélanie Dis qui est ici dans nos studios pour notre plus grand plaisir. On a beaucoup parlé et du coup, on a envoyé 3 morceaux à la suite. On en avait prévu 2 et puis un 3e. Pourquoi ? Parce qu'en même temps, il y a aussi les gens qui écoutent l'émission Mavrika. Et ce qui me fait plaisir, c'est que c'est des gens qui sont consciencieux. Ça veut dire qu'ils savent que quand je suis en train de parler, je peux pas répondre au téléphone. Donc, ils attendent que j'envoie un morceau. Alors, du coup, quand j'envoie un morceau, bah, j'ai des coups de téléphone et du coup, bah, j'ai prolongé un petit peu le côté musical, ce qui nous a permis d'écouter 3 morceaux. Alors j'ai le nom des, j'ai Sincère. Oui. Après c'était quoi? Après on a écouté Refaire le monde. Refaire le monde, oui, voilà, parce qu'il faut que je mette aussi le programme à jour sur le Facebook. Voilà. Et celle qu'on vient d'entendre, c'est Entre tes mains. Voilà, Refaire le monde. Voilà. Donc, bah justement, je voulais sur un auditeur habituel. Hein, c'est quelqu'un qui était chez nous il y a 2 semaines. 2 semaines, Christophe. Christophe, donc du Cric for Zik, donc l'association qui organise régulièrement des concerts. Hein. Tout à l'heure, on en parlera un petit peu plus. On va parler des dates. Et ce qu'il m'a, il m'a dit, tu félicites la chanteuse parce qu'elle a une superbe voix. Donc voilà, le message beaucoup. Est passé. Et elle m'a dit aussi. Il y a quelque chose de très important parce que lui aussi c'était un fan de musique, hein. Bon, il fait pas le même style de musique que toi, il fait du hard rock mélodique, je précise quand même, mélodique. Du hard rock mélodique, et lui il avait des stars qui l'aimaient et il a eu la chance de pouvoir les faire jouer parce qu'aujourd'hui avec son association il fait venir des groupes qui avaient marqué un peu son adolescence, son enfance, et aujourd'hui il joue avec eux, il les fait venir, donc ben, il a dit il faut continuer à s'accrocher à ses rêves, ça c'est très important. Oui. Faut jamais laisser tomber parce que un jour bah ben, ça se réalise, hein. Et puis même si on n'a pas tout à fait ce qu'on voulait, on va dans ce chemin-là, et en tout cas voilà, donc il te passe des compliments en tout cas pour ta voix et pour les morceaux qu'on vient d'écouter. Voilà. Donc, on va continuer parce que là, on a écouté 3 morceaux. Mm-hmm. Tu nous avais parlé un peu de Sincère, le premier. Les 2 autres, tu veux nous en parler aussi un petit peu, non? Oui, bah surtout Entre tes mains. Entre tes mains, c'est le premier titre que j'ai écrit justement à la suite de cet appel que j'ai eu avec Guillaume. C'est vraiment le premier titre que j'ai écrit. Et ça faisait un petit moment que je m'étais pas autant appliquée sur des paroles, et je me revois encore avec ma tasse devant ma fenêtre en train de me dire bon ça y est, alors là du coup t'as pas le droit à l'erreur, faut vraiment que tu fasses des textes, faut que ça soit les meilleurs que tu n'aies jamais fait, parce que tout se joue entre tes mains. Et là j'ai fait ah bah entre voilà, tes mains. Tout se joue entre tes mains, c'est le moment, c'est ici que ça se joue. Donc j'ai écrit cette phrase et après bah c'est parti de là. Quels sont les sujets que tu abordes dans tes chansons? C'est des choses, c'est des moments d'émotion comme celui que tu viens de nous raconter, c'est des moments que tu as vécu, ou alors des fois c'est un petit peu dans la fiction? Non, souvent il y a quand même une part de. Enfin, dans l'album Sincère, c'est vraiment autobiographique. C'est vraiment tout issu de la personne que je suis devenue. D'ailleurs, tout à l'heure, il y a un titre qui est fait pour un de mes enfants. Donc, j'ai 3 garçons, mais bon, le premier commence à prendre le chemin du jeu d'école de la maison. Dans d'accord. Pas longtemps, c'est la première fois que je faisais vraiment un texte pour parler de mes enfants. Donc l'album est très autobiographique. J'ai voulu qu'il soit surtout positif. Donc j'ai vraiment fait attention à choisir ou à écrire des textes positifs, parce que j'ai remarqué qu'on entendait beaucoup de chansons tristes, de chansons lourdes avec des textes vraiment tristounets. Et je suis vraiment quelqu'un qui prend de la positivité. Même quand on a des coups durs, je trouve que c'est important d'essayer d'apporter une touche d'optimisme. Donc j'ai fait vraiment attention à ce que tous les textes soient de façon positive. D'accord, donc ça c'est les morceaux que tu viens d'interpréter, là, le dernier, Rien n'est impossible. Non, Entre tes mains. Entre tes mains. Rien n'est impossible, là, c'est celui qui arrive après. J'ai spoilé, ça y est, c'est le titre qu'on va écouter juste après. Entre tes mains, c'est des morceaux que tu as écrits finalement, bon, l'autre aussi, je pense que c'est dans le même cas, avec dans le studio justement au moment de l'enregistrer au... Non, ça je les ai écrits. Les textes, je les ai écrits avant. Parce qu'il fallait que je lui présente 6 textes D'accord. pour savoir s'il était touché par les textes pour pouvoir travailler avec moi. D'accord. Donc 6 textes et l'album, il a combien de morceaux? Il y en a 12. Ben voilà, et donc il y en a certains qui ont été faits après alors. Oui, il y en a que, oui, après, il y en a qui ont été faits après. Mais la base, c'était d'abord 6 textes à lui proposer pour savoir s'il voulait, s'il acceptait de travailler avec moi. Parce qu'il m'a dit, si les textes ne me parlent pas, je n'aurai pas l'inspiration. Et puis, il n'a pas envie de travailler comme ça, il n'a pas envie de se forcer à faire des choses qui ne l'inspirent pas, parce qu'il dit, de toute façon, je te ferai du mauvais travail. Donc il ne travaille que comme ça, que quand les textes l'inspirent. Donc j'avoue quand même qu'il m'a pas répondu tout de suite une fois qu'il avait reçu les textes. Il a mis plus de 2 mois à me répondre. Donc pour moi c'était mort, c'était fini, quoi. Ça avait pas marché. Et puis finalement au bout de 2 mois il m'a dit alors il y a 3 textes dans ce que tu m'as envoyé. Ouais, il dit je te propose de venir une semaine en studio pour créer les 3 chansons. Il dit ça sera celui-là, celui-là et celui-là. Et quand je suis allée chez lui, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Je ne connaissais pas cette méthode de travail où on se pose le matin à 9h dans le studio. C'était une résidence, presque. C'était une résidence, c'est-à-dire que je vivais avec eux dans leur maison. Je mangeais avec eux le petit-déj, le midi, le soir. Et toute la journée, on était enfermés dans le studio à Bordeaux pour créer, vraiment. Et j'ai même vu les arrangements naître, c'est-à-dire que je ne savais pas du tout comment on tissait. Je connaissais la base des chansons, mais je ne savais pas du tout comment on tissait les arrangements. Il y a une équipe avec lui ou... Alors il y a des chansons qu'il a fait seul, il y en a d'autres où on était plusieurs, il y a des musiciens qui nous ont rejoints à un moment donné. Et j'ai fait plein de rencontres. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que pour une fois, j'étais vraiment considérée comme une artiste. Bah oui, d'égal à égal. Alors souvent où j'ai travaillé avant, on me considérait pas comme une artiste, on me considérait vraiment comme une vulgaire petite chanteuse de variété. Et quand je suis arrivée avec eux, c'est là que j'ai vu de la campagne. Et de la campagne, hein. Et de la campagne en plus. Donc et là c'est la première fois où je leur disais non mais faites comme vous voulez. Ils m'ont dit ah ben non. Ben non, en fait, on fait pas comme on veut. C'est toi qui vas le représenter, ça doit te ressembler, ça doit te parler, donc c'est toi l'artiste. Et ça m'a fait beaucoup de bien parce que du coup, je n'avais plus ce syndrome un peu de l'imposteur. Et je me sentais vraiment artiste et valorisée en tant qu'artiste. Donc là, c'était vraiment une construction que vous avez fait ensemble, quoi. Ah oui, oui, et il oui, fallait oui. vraiment que ça te ressemble à toi, etc. Parce c'est que, ça. Tu sais qu'à Bordeaux, on en fait des belles choses quand même. Hein. Ah. Oui, il vient de là-bas, hein. C'est pour ça, Didier. Il est originaire de. J'ai pas été conçu dans un studio, moi. Pas quoi que j'en sais rien. Qu'est-ce que t'en sais? Voilà. Tu me fais perdre le fil. C'était vraiment une très très belle expérience. C'est dans un très beau cadre et vraiment. Il est à Bordeaux même, il est dans le centre. Bordeaux. Alors, il n'est pas à Bordeaux même, il est à Izon. D'accord. Voilà, c'est dans les petites communes collées, oui, ça colle, ouais. collées à Bordeaux. Et le mastering a été fait à Bordeaux. D'accord. De l'album, un Globe, oui, Audio, que... Globe Audio Mastering. Ouais. D'ailleurs, je pourrais vous en raconter une petite tout à l'heure, parce que, pour vous dire vraiment que je viens de la campagne. Il y a le mix, il y a le mastering et tout ça. Oui, oui, oui. Ultra. Alors, tout ce travail-là, il a mis combien de temps dans le studio pour enregistrer tout Alors, on a fait plusieurs sessions d'une semaine parce que on a vraiment pris le temps. Et puis, à la base, on était parti que pour 3 titres. On n'était pas parti pour un album parce que j'avais pas le financement. J'avais pas l'argent, en fait. J'avais vraiment l'argent pour pouvoir faire 3 titres. Et je me suis dit, je vais me contenter de ça parce que 3 titres avec Guillaume Martial, qui est le bassiste de Benabar, j'étais déjà contente. Et puis, il y a eu une autre aventure, un autre rêve qui s'est réalisé entre-temps. Ça a été ma participation à N'oubliez pas les paroles. Oui. Ah, avec Nagui. Oui, là ça aide. Qui est arrivé en plein milieu, en fait. J'ai vraiment enregistré on a fait les 3 premières chansons, je pensais m'arrêter là. Et j'ai participé à l'émission de N'oubliez pas les paroles dans la foulée, où j'ai fait 10 victoires. Et j'ai gagné 41 000 euros. Ah oui, donc ça aide. Et du coup, quand j'ai gagné les 41 000 euros, j'ai rappelé Guillaume, je lui ai dit, bon bah finalement, est-ce que ça te dirait qu'on fasse un album? J'ai les fonds. Et avec Nagui, c'est que t'as postulé ou c'est une question Alors en fait, Nagui, oui, j'ai fait le casting et j'ai travaillé pendant 2 ans. J'avais appris 800 chansons par cœur. Et pendant 2 ans, je me suis forcée. Focus, c'était vraiment mon objectif et c'était un rêve aussi. J'avais fait deux participations à N'oubliez pas les paroles où je m'étais rétamée et j'avais dit la troisième, je leur pique des sous. Obligé, la troisième. Alors, je suis quelqu'un vraiment de très entêté. Quand j'ai décidé quelque chose, j'y vais vraiment à fond et je lâche pas le morceau, quoi. Mmh. Et je me suis imposée pendant 2 ans, 2 heures par jour d'apprentissage de chansons françaises et 800 chansons. Sans savoir si ça était ça. Sans savoir si ça allait marcher ou pas. Mais je me le suis imposé. Et dans ma tête, quand je travaillais, je disais, tu les connais toutes encore, là? Si, oui. Encore, oui. Donc, 800 chansons, tu peux tenir très longtemps. Alors, si, par exemple, on te demande de chanter, tu peux tenir combien de temps sur scène? Alors, non. Je dis le maximum en prestation. Maximum, je leur dis, c'est 2 heures. Oui, je refuse de chanter plus de 2 heures. Bon, après la voix, et puis ça correspond à combien de morceaux? Ça fait à peu près une trentaine de morceaux. Ouais. Donc, non, je refuse de faire plus de 2 heures parce que bah, la voix, c'est un muscle. C'est de l'énergie. Hein. C'est de l'énergie. Et puis, c'est quelque chose que je veux entretenir. Donc, c'est vrai que parfois, on me dit, oui, mais si je rallonge un petit peu le cachet, est-ce que tu peux chanter 4 heures? Je leur dis non. Je ne chanterai pas plus de 2 heures, même si vous rallongez le cachet, c'est non. Parce que c'est un muscle, parce que c'est mon outil de travail, parce que je tiens à en prendre soin, et que déjà 2 heures pour les gens, je trouve que c'est déjà largement suffisant. Hein. Franchement, sur une scène, assurée pendant 2 heures, je trouve que c'est déjà une prouesse, hein, parce que, voilà. Et puis après, ça serait aussi dommage de faire 2 heures très bien, et puis après, pour vouloir rallonger, oui, et puis finalement, ça baisse un petit peu, on peut pas partir pour un marathon à la vitesse d'un sprint, donc voilà, c'est une image un peu. Si tu pars en sprint au marathon, mais tu coupes vite, Pas comme un vrai sprint. T'as pas fait de course à pied, toi. Non, puis moi, je me mets à la place du public. Je me dis, je supporterai pas, même si c'est quelqu'un que j'adore, je supporterai pas d'entendre un chanteur pendant 3 heures, quoi. Oui, je pense qu'au bout d'un moment aussi, ça serait peut-être. Je sais pas. De toute façon, tu peux pas être attentif, tu peux pas être dans. Autant en tant qu'artiste, autant en tant que spectateur, tu peux pas être pendant 2 heures focus. Non, je pense que 2 heures, non, déjà, non. Oui, c'est déjà bien. Après, c'est très bien. Tu fais le show dure 2 heures, mais tu coupes entre temps, façon d'emmener. Oui, je chante pas 2 heures derrière mon micro sans interaction. T'as un entracte, t'as une coupure ou tu Non, fais ça, voilà. j'ai pas d'entracte. Ce que je propose aux organisateurs, c'est de le faire en 1, 2 ou 3 parties. Avec un temps de pause maximum de 3 quarts d'heure entre les parties. Pas une le matin et une l'après-midi. C'est bon, faut pas exagérer non plus. Mais je le propose de le faire en plusieurs parties de le faire qu'en une seule fois. Mais c'est vrai que quand je le fais en une seule fois, il y a des moments où je raconte des anecdotes, il y a des moments où je présente les chansons, ou si j'ai une petite information sur la chanson, je vais la donner histoire de faire un peu de culture générale aussi, et j'essaye d'emmener les gens comme ça. D'accord. Dans les prestations. Très ce qui fait, c'est que ça passe très très bien, surtout que j'essaie d'avoir de l'humour parce que je trouve que c'est important. C'est que là, tu dois tenir 3 heures quand même. Oui, mais ça m'inquiète pas du tout parce que je suis très bavarde. Elle est bavarde, mais on lui demande pas de chanter non plus pendant 3 heures. Heureusement, il y a des enregistrements. Il est déjà presque 20h30. Ouais, c'est vrai que le temps passe très très vite. Et en plus, on a envoyé 3 morceaux de Mélanie, hein, donc on en a pas mal encore. Il y en a encore pas mal à passer. Il y en a encore pas mal à passer. Très bien, donc toutes les histoires qu'il nous raconte là, c'est sûr qu'on va se souvenir de ça. Et moi, je sais que des fois, je découvre des chansons et je me fais des images dans ma tête avec mon vécu, etc. Et quand j'ai les invités qui sont là, qui me racontent des histoires, c'est ces histoires-là que je veux réentendre quand j'écouterai tes chansons dans les prochaines émissions. Donc, ce soir, tu nous as amené cet album. On va essayer de découvrir tous les morceaux, si on a le temps. Oui. Si on a le temps. Ouais, ce qu'on va faire, une petite série 2 ou 3 morceaux à la suite, hein, régulièrement. Donc, on a parlé d'enregistrement, on a parlé de tout ça. Ah ouais. Où est-ce qu'on peut trouver cet album, si on veut se le procurer. Est-ce qu'il existe en forme physique? Alors, il existe en forme physique pour l'instant. Il existe sur clé USB. D'accord. Donc, il suffit de me contacter. J'envoie un lien de paiement. On me donne l'adresse postale. Ils reçoivent la clé USB chez eux. Et là, dans 15 jours, il sera disponible en physique boîtier cristal. D'accord. Donc, le CD. Oui. Le vinyle, non? Non, pas le vinyle. Non, non, déjà la clé USB, c'est pas mal. Parce la que clé c'est... USB, parce ouais, que ça se fait de plus en plus. En oui, on m'a. Alors déjà sur le dernier album, on m'avait dit, bah, vous l'avez pas en clé USB parce que moi j'ai plus de quoi lire les CD. Oui, donc je me suis dit, bah, pour celui-ci, je vais lancer juste la clé USB d'abord. j'ai fait la clé USB. Et les gens me disent, vous l'avez pas quand même en boîtier cristal, en CD qu'on puisse passer, parce qu'elle dit, moi j'ai pas de quoi lire une clé USB. C'est compliqué. Il est parti en pressage et j'ai fait un petit tirage de 1000 exemplaires en boîtier cristal. D'accord, très bien. Voilà. Donc on peut se le procurer à quel endroit? Eh ben sur mon site internet, il y a la boutique. D'accord. Sinon directement en fait sur les réseaux sociaux, il suffit de m'envoyer un petit message. Mmh. Et puis sinon ceux qui sont plus sur la technologie, hein, c'est sur toutes les plateformes. D'accord. Donc Spotify, iTunes, on peut le trouver sur YouTube aussi. Donc vraiment ceux qui sont hyper connectés, qui sont pas ni clé USB ni CD, on peut le trouver sur internet, il y a pas de problème. Pour ceux qui sont plus traditionnels, le CD arrive et on pourra le commander sur la boutique du site internet. Et pour ceux qui sont encore plus traditionnels, est-ce qu'on a la possibilité de se le procurer lors d'un concert? Mais bien sûr. Ben voilà, donc bien sûr. Et le faire dédicacer, je crois que c'est le mieux. Mais encore. Exactement. Il y avait aussi ça, voilà, le truc de la clé USB, c'est qu'on m'a dit, bah oui, mais pour la dédicace, on fait comment? Bon, bah, on va faire des petites photos, comme ça on va dédicacer. Des cartes à côté. Ouais, si c'est possible. C'est donc, ça. Voilà, oui. C'est difficile de satisfaire tout le monde, hein. Et surtout qu'aujourd'hui, on a tellement de technologies, mais on se disperse de plus en plus. Et finalement, quelle est la bonne? Quelle est celle qu'on va retenir? Il y a des gens qui ressortent des cassettes. Il y en a qui ressortent des vinyles. Il y en a d'autres où il n'y a pas de support. Ils disent, non, nous, on n'a plus de support maintenant. C'est sur Internet. Mais oui, donc, parce que, voilà, on sait jamais. C'est un investissement, quand même, que ça soit clé USB ou que ça soit CD. Ça, c'est un investissement. Ah oui, tout à fait. Et si on n'est pas sûr de retomber sur ses pattes. Aujourd'hui, c'est vrai que l'argent est une denrée tellement précieuse et tellement rare que même les artistes en autoproduction, on fait très attention à ne pas se retrouver avec des CD qui ne se vendent pas. On fait très attention. Parce que... Parce que c'est pas cool de les faire. Les fabriquer, il faut les vendre. C'est ça, c'est qu'il faut les vendre après. Ça, quand même, c'est quand même un coût. De le faire, sachant que maintenant tout est payant, c'est-à-dire que même sur internet, pour déposer ses musiques en ligne, il faut payer, faire sa promotion, voilà, rien n'est gratuit, même pour les artistes, pour se faire découvrir sur les réseaux sociaux, c'est pas gratuit. Il y a des gens qui croient que internet c'est gratuit, c'est comme quand t'arrives dans une pâtisserie, j'arrive, je prends mon flan, je m'en vais, je paye pas. Il y a rien de gratuit, même pour mettre les musiques sur Spotify et iTunes. On paye des abonnements pour pouvoir les mettre, pour que les gens puissent les avoir. Donc oui, faut tout mesurer au niveau financier, parce que si on n'a pas un manager, un producteur qui allonge derrière et qui a lui des abonnements à moindre coût, parce que ça lui ramène pas mal d'argent, quand on est en autoproduction, malheureusement on en est là à faire Joël, attention. Elle peut pas aider tout le temps. disons que Joël, elle n'a pas encore gagné au loto. Ouais, elle n'a pas encore parlé non plus. On l'a même pas présenté. Elle est là dans les studios. C'est vrai que, à moins qu'elle veuille y parler, les micros sont ouverts, si tu veux parler, Joël. Non. Voilà, elle est venue t'accompagner. C'est bien de le dire, quoi. Mais c'est vrai qu'elle. Joël, elle m'accompagne depuis le début de ma carrière. Comme on disait tout à l'heure hors antenne, elle a vu les premiers concerts, les premières galères jusqu'à aujourd'hui. Elle a vraiment tout vécu dans le noyau. Elle est toujours aussi fidèle, donc elle a toujours cru en tes rêves aussi. Oui. Voilà, oui, c'est oui. Ça le plus important. Et c'est vrai que tu n'es pas toute seule comme ça. Parce que c'est pas évident d'être tout seul, et puis ou alors d'avoir des gens qui t'accompagnent, au bout d'un moment ils te laissent tomber, après et là t'as quelqu'un de fidèle qui te suit depuis toujours et qui croit en toi. En général, tous ceux qui sont autour de moi sont quand même fidèles. Et toi, tu es fidèle aussi? Ah, très. Très, très, donc, très. Voilà, donc... Mais par contre, je sélectionne les personnes qui sont dans mon entourage. Bah oui, c'est ce qu'il faut. Je sélectionne. C'est comme ça qu'on se protège. Voilà. Oui, parce qu'il faut se méfier aujourd'hui. Bon, on en parle de plus en plus, hein, mais il y a des gens qui sont autour de nous, des fois, qui nous pourrissent la vie sans qu'on s'en rende compte. On est manipulé, il y a des gens toxiques. Et il y en a certains, des fois, il vaut mieux couper les ponts et se dire à la limite. J'ai de très, très bons ressentis sur les gens en général. Et je pars du principe que si quelqu'un veut être dans ta vie, si quelqu'un a vraiment de la bienveillance envers toi, il y restera d'une manière ou d'une autre. Et que tu lui apportes quelque chose ou que tu lui apportes rien, juste par la bienveillance. Donc ceux qui ne veulent pas rester dans ta vie, à un moment donné, finissent par en sortir. Oui. La porte, elle est là. Hein. Voilà, exactement. Exactement. Ouais, c'est un chemin. C'est comme quand on est dans un bus, il y a des gens qui montent dans le bus, qui descendent, et puis il y en a qui nous accompagnent toute la vie. Il y a un très joli texte de Jean d'Ormesson qui est comme ça. Oui, c'est tout à fait. C'est le train de la vie. Oui, c'est que Joël m'a fait découvrir, parce que je ne le connaissais pas, ce texte, et il est magnifique, et c'est vrai. Donc c'est un peu l'image que je voulais mettre, et je me souvenais plus du nom, mais c'est bien de le citer, justement. Oui. Parce que c'est un petit peu l'image de la vie. Voilà, dans la vie, il y a des gens qu'on aura toute notre vie, ils vont nous accompagner. Il y en a certains qui sont rentrés, qui sont très présents et après éphémère, ils disparaissent. Sympa, et voilà. Puis il y a beaucoup de gens qui sont là par intérêt, juste parce que voilà, il y a le côté image, il y a le côté coucou, je vais me faire voir. Et puis sur le côté, là où j'ai beaucoup rigolé, ça a été l'année du Covid, parce que c'est là que ça a fait un grand nettoyage autour de moi. Et puis après, il y a eu l'émission avec Benabar, et comme par hasard, on retrouvait le chemin de mon téléphone. C'est un petit peu comme à la maison, quand il y a l'apéro et quand il n'y en a plus. C'est exactement ça. Quand t'as plus l'apéro, t'as plus personne. Ça, c'est comme les gens. Les gens, quand ils arrivent à côté de toi et commencent à te faire un compliment, c'est qu'ils ont besoin de quelque chose. Oui, je sais pas si vous avez remarqué. Donc voilà, il y a ces personnes-là qui, des fois, sont un petit peu. Je trouve que t'es bien coiffé aujourd'hui. Oui, je suis bien coiffé. Tu veux une tranche de jambon, c'est ça? Voilà, je trouve que tes lunettes te vont très bien. Ouais, je voudrais. J'en ai changé plus de ça. Il a vu les bières dans le frigo tout à l'heure. Non, mais t'inquiète pas. La limonade. Ah. On va écouter un petit peu de musique parce que voilà, on a un petit peu de retard au niveau des morceaux. Donc le prochain s'appelle Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Et après on va passer le fameux morceau que tu as interprété avec Benabar. Oui, voilà. Je suis de sel. Très bien. Donc on envoie de la musique tout de suite et on se retrouve juste après parce qu'on a plein de choses, on découvre plein de choses dans cette émission. Elle est très riche. Et en plus, dans la bonne humeur, comme on aime bien. Chaque émission, de toute façon. Ouais, on découvre plein de choses. Voilà. On découvre plein de choses. Moi, c'est pour ça que j'aime pas venir, d'ailleurs. Moi j'aime bien parce que j'essaie d'apprendre des choses aux éditeurs, mais moi-même, j'apprends plein de choses de nos invités. Et ça, c'est très important. Voilà, donc il faut que l'émission continue encore quelques dizaines d'années. Crois-moi, l'erreur est humaine, on ne peut pas être parfaite. Sans larmes et sans. Personne ne peut l'être. La plus belle des femmes, la meilleure des mères. Même les plus grandes flammes sont nées d'une étincelle. Scénario assez gros, vibré de nuit, de matin, qu'on voit d'un œil. voyez plutôt comme un subtil trésor. Pris par ta force, par ton sourire, pris pour le meilleur et le pire. Dis tout en ce que tu désires et respire. Les meilleurs artistes viennent dans le studio de Radio Arc-en-Ciel pour l'émission Mavrika. C'est ma chanson préférée. C'est ma chanson fétiche. Et il va la chanter avec moi. On la chante ensemble. Tiens, qu'est-ce que tu fais là? C'est moi, c'est Mélanie. Quoi, tu me reconnais pas? Mais si, on est ensemble au lycée. C'est vrai, t'as changé. J'ai des enfants et mari. Ben quoi, t'as l'air surpris. J'étais pas destiné à une vie bien rangée. J'étais perdue, mon mari m'a trouvée. T'étais de celles qui disent jamais non. Les maris, couche-toi là, dont on oublie le nom. T'étais pas la jolie, toi t'étais sa copine. Celle qu'on voit à peine, qu'on appelle machine. T'avais 2 ans de plus, peut-être 2 ans de trop. Et j'aimais les garçons, peut-être un peu trop. Bien sûr, on avait eu des dizaines de conquêtes que personne n'avait vues, toujours pendant les fêtes. Pour beaucoup d'entre vous, je suis la première fois de celles qui comptent, mais pas tant que ça. Fais la cour, t'étais de celles qui sont déjà d'accord. Vous veniez chez moi, mais dès le lendemain, vous refusiez en public de me tenir la main. D'avoir pour moi un seul mot de tendresse, vous apparaissait comme la pire des faiblesses. On jouait les filles à bras, on parlait en expert, oubliant que dans tes bras, on faisait moi les fiers. Et les autres filles perfides, petites saintes. Aurait tendu les cheveux à une autre époque. Celles qui ont l'habitude qu'on les cajole ignorent la solitude. Que rien ne console. Vous veniez chez moi, mais dès le lendemain, vous refusiez en public de me tenir la main. Voilà, donc avec la musique qui est d'habitude une musique très douce pour qu'on puisse parler dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, bah ça fait tout de suite un contraste avec ce qu'on vient d'écouter qui était encore plus doux. Donc un moment magique, hein, on va dire ça comme ça. On aime bien, c'est plein d'émotions. On voit que avec Benabar et puis. Une très belle chanson aussi. Hein. C'est, ah, je suis de celle, elle est magnifique. Oui. Hein, voilà. La première fois que je l'ai entendue, j'avais l'impression qu'il l'avait écrite pour moi. D'accord. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui l'admirent, qui se sont reconnues dans cette chanson. Non, oui, parce que c'est une vraie histoire d'amour et c'est peut-être quelque chose qui rappelle aussi la vie des gens, hein, parce qu'on sait que dans la vie, il y a aussi plein de choses qui peuvent être dans lesquelles on peut se retrouver dans les paroles d'une exactement. Chanson. Quoi. Donc très belle chanson, très belle interprétation. En plus, il te félicite à la fin en disant que t'as une très belle voix. Mais ça, je crois que on en est convaincu. Au charme, elle chante bien. Elle chante bien en plus. Très bien. Donc, un très grand moment, c'était à la télévision, donc sur France 2. Sur France 2, oui, dans l'émission qui s'appelait La Lettre. La Lettre, voilà, très bien. Où ce sont des proches qui écrivent pour mettre à l'honneur en fait quelqu'un de leur entourage. Et moi, c'est mon amie Agnès qui était en fauteuil roulant et qui est fan de moi, qui a voulu réaliser mon rêve. Et c'est sa lettre qui a été choisie. Alors déjà, je pleurais parce que quand on arrive dans un endroit où voilà, on vous dit c'est une surprise pour vous, déjà on s'y attend pas. Ensuite, devant les caméras, c'est d'un seul coup une personne qui vous dit merci pour tout ce que tu fais pour les, parce que je suis marraine de deux enfants qui sont atteints de maladies orphelines. Je chante aussi beaucoup pour Parkinson, je chante pour le Téléthon. Enfin, j'essaie de donner de ma personne parce que mon père m'a toujours dit, t'as reçu le don de chanter, donc c'est bien d'en faire ton métier, mais il faut aussi le faire bénévolement pour pouvoir aider les bonnes causes. Très bien, bravo. Et là, je me prenais un grand merci dans la tête. Et j'étais pas habituée à ça parce que quand je le fais, j'attends pas le merci en retour. Et là, je me suis vraiment pris un gros merci, une grosse vague d'amour et de bienveillance. Et voilà, je pleurais déjà avant même de savoir qu'il y avait Benabar qui attendait derrière. Et elle pleure encore, hein. Et pleure encore. Et ça me donne toujours de l'émotion parce que même quand tu nous le racontes, nous on le ressent aussi et on se dit, en tout cas, c'est formidable ce qui s'est passé, ce grand moment. Donc il a été enregistré. Ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'avec la technologie, on peut garder des souvenirs et ça nous a permis de le diffuser en direct dans l'émission Mavrika. Mmh. Ce soir, on l'a écouté tous ensemble et donc un grand moment d'émotion. En tout cas, c'est super, quoi. Et les personnes peuvent aller sur YouTube voir l'émission. Aller sur YouTube, ils peuvent aller voir l'émission. Vraiment tout le passage complet de l'organisation de la surprise. J'irai jeter un œil. Ils peuvent aller regarder. Ils vont me voir chialer, pleurer comme une madeleine. Mais ouais, le moment. Enfin, ça me tire toujours les larmes aux yeux quand je vois. En tout cas, bravo pour ce que tu fais, justement, pour toutes ces bonnes œuvres. Ça, c'est vraiment important parce que ces gens-là, ils ont besoin aussi qu'on les soutienne. Comme tous les autres personnes, ils sont fans de d'autres personnes. Et puis le fait que tu t'intéresses à elles, ça leur fait énormément plaisir. Il y a un échange d'émotions qui doit se faire à chaque fois que tu interviens dans ces événements-là. Oui, j'ai même des partie de mon travail où je vais chanter vraiment dans les hôpitaux, dans les chambres où les personnes sont en fin de vie. Ça aussi, c'est très dur et en même temps, ça fait du bien de pouvoir leur chanter des chansons alors que voilà, ils sont vraiment aux portes de la mort. Donc, pouvoir leur chanter à même le lit une chanson qui va leur rappeler des souvenirs, ça fait vraiment du bien de leur apporter ce petit bonheur-là. Très bien, bravo à toi en tout cas, on te félicite. Voilà, il y a aussi une personne que nous avons au téléphone qui a appelé. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Alors tu voulais parler. Alors j'ai entendu que bonsoir, est-ce que je connais ou est-ce que je connais pas? Je sais pas si tu le connais cette personne. Ah. Allô, bonsoir. Tu veux te présenter? Oui, bonsoir. Non, mais est-ce que tu connais? J'étais obligé de témoigner quand même un petit peu ce soir. Coucou, oui. Mélanie, coucou Albino et Didier aussi derrière. C'est notre ami Alex, voilà. Hey, voilà. Je reconnais pas ta voix, ça fait quoi? Ah, moi je l'ai reconnu tout de suite. Moi dès qu'il m'a dit allô, j'ai dit ah, Alex, et il dit bon, tu sais que c'est moi. Je dis Alex, bah, allô. Voilà. Non, c'est pas Alex, allô, c'est Alex. Le bail. Très bien, c'est un peu grâce à toi qu'on fait cette émission ce soir en tout cas. Non, c'est grâce à son talent. Et Oui, bien sûr. Oui, enfin, et à la personne qui allait. Mais c'est toi qui nous a servi un petit peu d'interlocuteur, parce que. C'est toi qui a insisté, hein. Tu m'as dit, il y a une personne que j'aime beaucoup, que j'aimerais bien qu'elle passe dans ton émission, et puis, elle serait partante pour faire l'émission avec toi et tout ça, et tu m'as dit son nom, je dis, ouais, je la connais, il n'y a pas de souci, au contraire. Donc, on s'est dit, bon, il y a une petite liste d'attente, et puis dès qu'il y a eu un trou, hop, j'ai appelé, j'ai envoyé un petit message à Mélanie, et c'est pour ça qu'on fait cette émission aujourd'hui. C'est vrai que ça s'est fait assez rapidement quand même, parce qu'il y en a d'autres qui attendent depuis plus longtemps, mais des fois ils proposent des dates qui sont pas tout à fait compatibles avec l'emploi du temps. Donc c'est un petit peu grâce à toi qu'on fait cette émission ce soir. Oui, donc merci mon petit poulet. C'est comme ça que vous appelez mon petit poulet. Tu vas te faire plumer, mon petit poulet. Non. Ne me lance pas, ma Mélanie. Je fais des dossiers. De barbecue, si tu vois ce que je veux dire. Ah oui, on va éviter de parler de barbecue. Ça sent la merguez partie, ça. Alors, faut savoir que moi, je suis adepte des chansons. J'étais obligé d'appeler. Ah ouais, d'accord. Ok. Oh, ça sera peut-être pour. Ah bah, tu me mets les sardines et la merguez partie, c'est bon, je suis parti pour faire la fête toute la nuit. Donc, c'est pour ça que je vais sortir les dossiers. Donc, on a un enregistrement, c'est ça, Alex? Tu m'as envoyé un enregistrement qu'on va diffuser. Oh mon Dieu, non. Non, je plaisante, mais bon. Ça aurait pu, hein, on aurait pu faire une petite blagounette comme ça aussi. Très ouais, bien. Alex? Oui. Tu sais où c'est, l'arc-en-ciel? Oui, je sais. T'as pas un clairon chez toi? Ça, je t'expliquerai. Oh, Alex, il m'embête. Mais non. Mais ça, j'aurais pu ramener à Clairon hein, pour leur montrer quand même. Bon, c'est la première fois qu'ils viennent dans l'émission Mavrika, mais à partir de là, ils rentrent dans la Mavrika ce midi. Je suis comme un éléphant. Et tu sais, on aime bien que les gens ils viennent dans l'émission et qu'ils reviennent après régulièrement. Donc Mélanie, c'est la première fois qu'ils viennent dans l'émission, mais régulièrement, s'ils ont envie de revenir, il y a aucun souci. Hein. On pourra toujours prévoir un clairon pour la prochaine fois. Ouais, je pense que la prochaine fois, je viendrai plutôt avec un pianiste plutôt qu'avec un clairon quand même. D'accord, ok. Ouais, très bien. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va essayer de diffuser le maximum de morceaux enregistrés. Mais peut-être un jour, tu reviendras avec quelqu'un qui t'accompagnera et puis tu interprèteras. Ça serait bien, Alex, qu'on fasse un jour le duo. Ça fait deux ans qu'on dit comment faire. Bah, voilà, Alex. Avec plaisir. Et pourquoi pas la première dans l'émission. Ça fait plus de deux ans, je crois, qu'on en parle. Je crois que ça fait plus de deux ans qu'on en parle de ce duo. On n'arrive pas à se caler du temps pour pouvoir mettre ça en place. Il va falloir qu'on le pense à le faire quand même. Oui. Ouais, moi je crois que le mieux c'est qu'on essaie d'organiser dans quelques mois justement une émission où il y aurait Alex et Mélanie. Ah ben et oui, ensemble mais avec grand voilà, plaisir. Il y aura des petits lives, des choses comme ça, ça serait super. Ah bah on peut. Ça te dit Alex? Oui. Bah super en tout cas. T'es venu il y a quelques temps dans les studios, ça fait pas si longtemps donc depuis tout se passe bien. Oui. Il a sorti un livre il y a pas longtemps. Oui, tu as sorti un livre. Non, mais alors attendez. Remettons les choses. Les choses dans le contexte. Alors. Oui. Explique-nous. Moi, j'ai appelé. Je ne veux absolument pas parler de moi et de dire ce qui se passe et tout. Ceux qui veulent savoir, ils vont regarder sur mes réseaux. Nous, on peut parler mais de toi. Mais ce que je voulais dire, surtout, qui est le plus important, c'est que ma Mélanie, ça fait quelques années qu'on se connaît. Et voilà, ça me paraissait vraiment important d'appeler ce soir parce que c'est bon déjà une artiste incroyable, ça vous l'avez vu, mais c'est aussi une femme extraordinaire parce que vous le voyez pas vous dans sa vie de tous les jours, etc. Mais elle a mené beaucoup de combats et même dans les moments de doute, et ben elle a dit je lâche rien et je continue ma musique et de faire ce qu'elle fait dans tous les endroits en fait où elle peut le faire, parce que ça peut être de l'associatif, de la grosse scène, elle joue vraiment partout, c'est ce que j'appelle les boulimiques de musique, c'est-à-dire que c'est sa vie en fait, et si elle a plus de musique, elle a plus de vie au fond d'elle, elle le sait, et c'est assez rare pour le souligner et pour dire que elle, en plus d'avoir un énorme talent, elle a ce partage là et moi j'ai eu la chance de la voir sur scène. Et on le ressent et on le voit, et l'énergie et l'émotion qu'elle peut transmettre. Donc voilà, c'est important d'appeler pour dire bravo pour tout ça et que aussi quelque part tu es un chemin pour d'autres artistes et même pour moi. Donc continue de rester comme tu es et de faire ce que tu fais avec tant d'amour et tant de passion. Merci beaucoup, mon petit Alex. Voilà, ça fait plaisir. Ouais. Tu sais, dans l'émission Mavrika, il y a un truc qu'on a dit plusieurs fois. S'il y a quelqu'un que tu n'aimes pas, on n'en parle pas dans l'émission. Mais quand il y a quelqu'un que tu l'aimes, il faut lui dire. Et c'est ce que tu viens de faire à l'instant. Et Mélanie, je crois qu'elle a été très, très touchée. Oui, je vois. Ça fait... Mais non, mais elle est extraordinaire, Mélanie. C'est bien de lui dire, justement. Voilà, elle le mérite. Et c'est ce que tu peux souligner ce soir. Donc c'est très important. Bah merci beaucoup en tout cas Alex d'être intervenu. Hein. Merci beaucoup. Tu veux rajouter encore quelque chose? Non, parce que de toute façon elle a tout dit depuis le début. Oui c'est vrai que elle dit beaucoup de choses. On lui pose les bonnes questions. On connaît bien son univers de plus en plus et on a encore plein de morceaux à découvrir d'elle. Et puis c'est toujours un plaisir. Moi j'ai écouté plusieurs chansons. Il y en a qui sont très douces, il y en a qui sont un peu dansantes. Elle vous a beaucoup parlé du côté tu vois associatif ou alors au niveau des hôpitaux et tout ça, donc c'est un côté j'irais entre guillemets un peu tristoun, tu vois, un petit peu où on s'imagine l'ambiance qui est déjà un peu pesante et peut-être elle va emmener des chansons un peu plus calmes et tout, mais elle a aussi cette deuxième facette où c'est une showwoman, vous la voyez sur scène Elle saute partout, elle danse partout, elle entraîne le public, je elle est chanter, danser, taper dans les mains. Et voilà, je sais pas c'est si Mélanie, t'as pour des vidéos de ça. Encore, hein. Il me semble encore. Que sur YouTube, tu dois avoir quelques scènes où on te voit aller faire chanter les gens, danser. Et c'est une autre facette et faut vraiment aller regarder. Ah oui, c'est vrai qu'on avait fait, il doit y avoir la vidéo encore du show Johnny Hallyday qu'on avait fait à Saint-Privé, Saint-Mémins. Et oui, on voit, enfin, il y a quelqu'un qui filmait et on voit les gens se lever tous les uns après les autres et vraiment standing ovation et puis vraiment l'ambiance. Parce que c'est ce que je souhaite dans mes concerts, c'est qu'autant on peut vibrer, avoir de l'émotion, mais ce que je veux avant tout, c'est que les gens ils s'amusent. Et ils passent un bon moment et qui se disent à la fin waouh, là on a passé une bonne soirée, là c'était cool. C'est dans ces soirées-là qu'on fabrique des souvenirs et puis ça reste pour toute la vie quoi finalement. Il y a des moments comme ça qu'on partage et puis donc les gens qui vont à tes concerts, tu voudrais que quand ils rentrent chez eux, ils ramènent quelque chose, un souvenir. Je veux qu'ils repartent avec le sourire. Avec le sourire, ça c'est le plus important. Voilà. Donc il y a pas beaucoup de chansons. C'est pour ça que il y a plus de chansons tristes sur mon TikTok. Enfin des chansons tristes, des belles chansons mélancoliques. J'aimais plus sur TikTok que je les chante en prestation parce que en prestation, je suis là pour apporter de la joie et de la bonne humeur. Et quand ils repartent à la fin de la prestation, je veux que les gens ils aient la banane, ils se disent oh, on a décompressé, on a passé une bonne soirée, on a entendu de la bonne musique, on a bien rigolé, c'est ce que je cherche dans mes prestations. Il faut que les gens ils repartent avec la banane et toute la dynamique que je peux donner au quotidien. C'est vrai que la première récompense des artistes, je l'ai vu dans le concert de Sika la semaine dernière, elle dit merci pour vos sourires parce que c'est la première chose qu'on voit quand quelque chose se passe bien, quand on le sourire. Pas, on le sent. On les sent. C'est vrai? Ouais, je pense. Ouais, mais on voit aussi sur le visage des gens. Non, mais même là, toi, tu souris pas, ça se sent pas que tu souris. Ah bon? Ça se sent pas? Si, mais bien sûr. Alors moi, ce que j'aime bien dire aux gens. Ah, pardon, Alex. Je me permets d'endosser un demi-rôle de manager. Le sourire est super important, mais si jamais les gens veulent, eh ben Mélanie, elle a aussi des CD, elle a des clés USB, etc. Et ça, pour soutenir un artiste, ben c'est génial. Donc les gens peuvent repartir aussi avec son histoire c'est et sa vie. Donc c'est important de le dire que t'as ça aussi. Donc t'es vraiment un artiste accompli quoi. Oui. Et c'est ce que je dis à chaque prestation aux gens. Vos sourires et vos applaudissements, c'est la nourriture spirituelle des artistes, ce qui nous donne envie à chaque fois de revenir et de redonner à chaque fois à d'autres personnes. C'est ce que je dis la plupart du temps sur mes concerts. Voilà. Je pensais que ça allait faire plus d'effet, mais on était dans la réflexion et puis dans l'émotion aussi, hein, parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'important et on analysait un petit peu parce que effectivement c'est la première chose qu'on voit justement dans le visage des personnes hein, qu'on devine aussi hein, quand on voit pas les gens. C'est-à-dire que si on a réussi à passer un moment ensemble, voilà, où tout le monde est content, bah c'est le plus important quoi. Voilà. C'est ce qui nous montre que on a fait notre métier comme il faut. Voilà. Si les gens baillent, s'ennuient et partent avant la fin du concert, c'est qu'on n'a pas fait ce qu'il faut. On n'a pas su capter l'attention. Mmh. Et ça, c'est quelque chose que je peux pas. Non. Il veut non. pas. Toi, il faut que ça se termine bien, etc. Ouais. Il faut qu'ils soient super contents de leur soirée. Sinon, je me remets en question. Je me dis, non, t'as un truc que t'as pas fait comme il faut. Non. Non, je vais pas leur faire subir ça. Très bien. Alex, tu veux rajouter quelque chose? Non, je pense que c'était une très belle émission. Ça se passe super bien. Hein. C'est vrai que le temps passe très très très vite dans l'émission. Tu sais comment ça se passe. Hein. On n'est pas dans la moitié de l'album. On n'est pas dans la moitié de l'album, mais c'est pas grave si on n'a pas le temps de tous les diffuser. On en gardera pour les prochaines émissions aussi. Hein, voilà. En tout cas, merci beaucoup, Alex. C'est toujours un plaisir. Hein. Tu sais que tu es ici chez toi. Tu reviens quand tu veux. Et dès qu'il y a de l'actualité, on passe toujours un bon moment avec toi. Et puis ça a été le cas il y a quelques semaines. Tu as vu les photos, tout ça, ça t'a plu? Oui, comme toujours en fait. Voilà, comme ça notre album photo à chaque fois est de plus plus en plus riche. Et ce soir, on va aussi faire les photos avec Mélanie. Et comme ça, on aura encore notre album photo qui sera encore plus étoffé. Voilà. Merci. En tout cas, merci mon petit poulet d'avoir appelé. Merci mon petit poulet. Je vais t'appeler mon petit poulet. Merci. Non, c'est réservé à moi. Mon petit coq. Moi, je voulais dire au revoir mon petit poulet, mais du coup, si c'est réservé, dans ce cas-là. Bon, au revoir Alex. Ton appel. Et merci beaucoup en tout cas de ton appel et puis à très bientôt. En tout cas, j'espère. Allez, salut. Très belle émission à tous. Merci pour tout. Allez, salut, bis. Salut, ciao, ciao. Voilà, toujours un plaisir de discuter avec lui, Alex, une personne qu'on a rencontrée il y a peu de temps et finalement on a l'impression de la connaître depuis toujours parce que c'est quelqu'un avec qui on s'entend très bien. Il est déjà venu plusieurs reprises dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. C'est toujours un plaisir de passer une émission avec lui, en tout cas le vendredi soir. Voilà, donc merci encore une fois à notre ami Alex. On écoute un peu de musique. Allez, c'est parti. Du coup, j'ai rien calé, moi. Du coup, on va écouter « J'ai appris ». J'ai appris. Alors, cette chanson, « J'ai appris », elle est pas... Justement, c'est une de celles qui n'est pas de ma plume. J'ai appris, quand Guillaume me l'a fait écouter, il m'a dit « Je pense que cette chanson pourrait te coller à la peau ». Et c'est un texte de Fabien Boeuf qui a une très, très belle sensibilité. Et c'est vrai que quand je l'ai entendu... j'ai dit je veux qu'elle soit dans mon album parce que c'est exactement ça, arrivé à 40 ans, c'est de te dire que sentimentalement j'ai appris. Vois-tu un tapis brisé, tes silences tenus dans la pièce qui résonne. C'est du temps pour penser aux phrases qu'on se donne. Du silence en suspens, un peu comme une clé pour mieux s'évader, pour se faire la malle. Un peu comme une clé, mais sans le froid du métal. J'ai appris, vois-tu. J'ai appris. Bien, bien, bien. Bien que t'aies-tu, j'ai appris, vois-tu. J'ai appris, vois-tu, à t'apprivoiser ton regard de braise quand le feu est là. En toi la fournaise, cessez le combat. Retrouver le calme et l'air qui apaise. Regagner la chaise et sonner la cloche. Retirer les gants quand ça devient moche. J'ai appris, bien, bien, bien. Bien que t'aies-tu, j'ai appris, vois-tu. J'ai appris, bien, bien, bien. Bien que t'aies-tu, j'ai appris, vois-tu. J'ai appris, vois-tu, à t'apprivoiser tes grandes envolées et tes petits mots. Lendemain de fête ou retour du boulot. J'ai appris, vois-tu, à t'apprivoiser toi et les années qui courent. Au compteur de la vie, monter dans les tours. J'ai appris, bien, bien, bien. Bien que t'aies-tu, j'ai appris, vois-tu. j'ai appris bien. Bien que têtu, j'ai appris, vois-tu. Je suis seule, fendue dans le décor. Je suis à l'envers de mon endroit. Je suis celle qui parle un peu ou trop fort. Je suis qui, moi? Je suis celle tombée dans les nuages. Je suis celle qui erre dans le brouillard. Je suis celle qui espère toujours encore. Je suis celle qui croit aux îles au trésor. Je suis celle sans voix et sans visage. Je suis celle qui pardonne sans effort. Je suis celle qui croit trop en amour. Je suis celle qui le cœur et le corps. M'attendez pas. Dans les studios de Radio Arc-en-Ciel après avoir écouté deux morceaux de Mélanie Dis, qui est notre invitée de cette émission numéro 670. Alors on a écouté deux morceaux, on a écouté J'ai appris et N'attendez pas, m'attendez pas. Ce soir je sors. Voilà. Donc ce soir, bah tu es ici. Elle est avec nous. Elle est avec nous. Elle est sortie. Ouais. Elle est sortie. Mais elle est sortie de sa campagne berrichonne pour arriver à Orléans. La capitale. Hein. C'est vrai que on reçoit souvent des artistes de Paris. Moi, je leur dis souvent, vous savez, maintenant Paris, c'est la banlieue d'Orléans. C'est pas faux. C'est plutôt l'inverse, je dirais. Non, bon. Très bien. Donc, ce soir, on passe une bonne soirée avec Mélanie. On découvre cet album qui s'appelle Sincère. Voilà, que vous pouvez retrouver sur tous les plateformes. Voilà, vous pouvez écouter. Et vous pouvez aussi commander la clé USB pour l'instant, attendant d'avoir le CD. Qui arrivera d'ici une quinzaine. La boîte cristal. Attention, c'est important. C'est ça. Très bien. Donc, avec un très joli graphisme, avec des très très belles photos de Marion Jacquet. D'accord, qui a très bien su le mettre en valeur, parce qu'au quotidien c'est pas facile de... hein c'est... Jojo elle est morte de rire. Très bien, donc j'ai appris, donc c'est encore un truc de la vie, c'est-à-dire qu'avec la vie tu as avancé, puis finalement chaque jour on apprend un petit peu plus, hein, c'est bien ça. Sûr, et puis bon, on a tous un parcours de vie sentimentale ou professionnelle qui fait que c'est pas toujours ce qu'on imaginait, hein. C'est vrai que je m'imaginais être mariée avec mes enfants encore aujourd'hui, et du coup on a connu le divorce, on sait ce que c'est maintenant que d'être maman solo, de s'occuper de ses trois trois enfants. Donc on se rend compte qu'à 40 ans, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes titres, c'est pas les mêmes textes que j'ai pu écrire il y a 20 ans quand j'ai commencé à chanter. D'accord, très bien, c'est pour l'explication, comme ça on voilà. en sait un peu plus sur toi et sur ma chanson. Je m'attendais pas, ce soir je sors. Alors c'est une chanson qui a fait beaucoup de chemin parce qu'elle est née au Centre des Écrits d'Astaffort, dirigée par Francis Cabrel. Voilà, c'est ce que tu me disais tout à l'heure hors antenne, donc on exactement. Va en parler un petit peu de du ça. Du Centre des Écrits, oui, ouais. parce que c'est pour moi c'est un passage qui est limite un peu obligatoire pour les artistes. Justement, on apprend à créer une chanson, et ce qui est génial à Astaffort, c'est que on est six ou huit artistes d'univers complètement différents, et on doit se mettre en groupe pour créer des chansons. C'est-à-dire qu'on commence le matin, on ne se connaît pas, on n'a pas d'idée de texte, on n'a pas d'idée de mélodie, et à la fin de la journée, il faut qu'il y ait une chanson qui soit née musicalement de cette rencontre. D'accord. Et m'attendez pas, ce soir, je sors, est née à Astaffort. Elle a été écrite avec Diane Pellin et Lola Delors. On était toutes les trois femmes d'âge différents et de vie complètement différentes. Et du coup, on a imaginé être un petit peu toutes ces femmes qui aujourd'hui sont épanouies. Et on voulait, à travers cette chanson, montrer tous les aspects de la femme, et y compris ce côté épanoui dû avant, nos mamans restaient souvent à la maison à s'occuper des enfants et tout ça, et maintenant on a des femmes qui sont de plus en plus épanouies et qui disent, ce soir je les fais garder et moi je sors avec des copines. C'est comme ça que ça devrait être, hein, voilà. Voilà. Très bien, et ça c'est quelque chose d'important, parce qu'on a la chance d'être en France, et il y a beaucoup de pays où les femmes, elles n'ont pas la liberté qu'elles devraient avoir. Voilà. Donc c'est un peu aussi une chanson de liberté féminine. Et ce que j'aime encore plus sur cette chanson, c'est qu'il y a eu un invité particulier qui s'appelle Benoît Crabos, qui est venu nous donner un coup de main avec Guillaume Martial. Et Benoît Crabos, donc il a fait partie du groupe Le Trottoir d'en face, qui était très connu. Et aujourd'hui sur TikTok, je sais pas si vous suivez l'actualité, mais lui il a des milliers de followers sur TikTok. C'est Je suis Bebe. Et en fait, il a pris les prénoms du calendrier et il a fait des mini chansons et il a fait un tabac sur TikTok. Il a des milliers de vues. Et du coup, il a participé à cette chanson. Il a ajouté sa patte, Je suis Bebe dessus, Benoît Crabos. Et je le remercie beaucoup. D'accord, très bien. C'est bien de parler justement de toutes les personnes qui t'ont accompagné. C'est toutes les rencontres que j'ai faites grâce à Guillaume et grâce à ce parcours artistique. Très bien. Donc tout à l'heure on avait parlé des concerts, on en avait un petit peu abordé ça. Mm-hmm. Donc pour l'instant il y en a quelques-uns qui sont en préparation, mais rien d'officiel pour l'instant. On va pas les annoncer ce soir. Donc j'invite les gens à aller sur les réseaux sociaux, etc. À commander la clé USB, ça c'est important aussi. Et dernièrement tu as fait beaucoup de concerts, non, depuis que l'album est sorti, pour le défendre. En fait j'en fais mon métier, donc en fait des concerts j'en ai tout le temps. Tout le temps. Est-ce qu'il y a un ou deux concerts qui t'ont marqué un peu plus que les autres et dont tu as envie de parler un petit peu ce soir? Il y a eu des concerts qui m'ont énormément marqué, où il y a eu des moments artistiques qui m'ont beaucoup marqué. Déjà, le concert qui m'a marqué, ça a été de faire la première partie de Kinvé. D'accord. Mmh. Voilà, parce que c'est la première fois que j'ai enfoncé une porte en disant, je suis une chanteuse, j'ai mes propres chansons et j'aimerais faire la première partie de Kinvé. Ils m'ont dit, ok, d'accord, on écoute. Ils ont écouté, m'ont dit, d'accord, ok, tu fais la première partie de Kinvé. Ok, ça c'était comme ça. Ok, donc se retrouver à faire la première partie de Kinvé devant 8000 personnes, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et là, la dernière anecdote, ça a été à Bora Bora. Ah ouais, carrément. Et oui, je rêvais de faire un voyage en Polynésie. Mais il y a des belles photos d'ailleurs. J'y suis allée au mois d'octobre et il m'est arrivé un truc extraordinaire là-bas. Bon, déjà, j'ai chanté avec un monsieur lors d'une excursion. Il avait sorti le ukulélé et j'ai chanté salade de fruits au ukulélé. Et il a commencé puis il m'a dit, oh, j'arrête, je connais pas la suite. Vas-y, continue, je connais la suite moi, du coup. Et ils ont fait une vidéo et le lendemain matin à Bora Bora, je me suis promenée pour aller faire 2-3 courses. Je me disais, ah, c'est toi qui as chanté avec Manu sur le bateau. D'accord. Oui, D'accord. Ah, je suis à Bora Bora. Je fais d'accord. Ouais, parce qu'il avait son réseau aussi, et puis forcément. En fait, je savais pas qu'il y avait une vidéo qui était sur Facebook. D'accord. Il y a une vidéo. Ils ont mis la vidéo sur Facebook et je crois que une heure après, il y a eu plus de 50 000 vues de la vidéo. Ah ouais. Et en fait, moi, je le savais pas et je me promenais à Bora Bora pensant que. Incognito. Et les gens me disaient, mais c'est toi qui as chanté avec Manon, on a reconnu le tatouage. La star de la Polynésie. Et je me suis retrouvée à un mariage à Bora Bora et j'ai chanté la chanson, la prochaine chanson que tu vas passer, qui est une chanson à consonance polynésienne. Je suis un petit peu perché, mais j'ai l'impression d'avoir vécu une autre vie où j'étais en Polynésie, parce que quand je suis arrivée là-bas, j'avais l'impression d'être rentrée chez moi. Et j'ai écrit cette chanson qui s'appelle Et si c'était toi. Et c'est dans les albums de Mélanie 10, on dit que la chanson 7, c'est la chanson d'amour, parce que c'est important pour moi que dans chaque album il y ait une chanson d'amour. Et je me suis retrouvée à Bora Bora, à un mariage de personnes que je ne connaissais pas, à chanter en tongue. D'accord, on imagine. En tongue, à chanter cette chanson-là, ils étaient 350 personnes à ce mariage. Super. Bon. On est venu me chercher à ma pension de famille pour me dire t'as une chanson d'amour dans ton registre. Je fais oui, j'ai la mienne. J'ai fait écouter. Il m'a dit ouais, c'est bon, allez, viens. D'accord, ok. Donc on fait quoi? Il m'a dit bon, on va à un mariage. Je fais mais je suis habillée avec une robe noire et je suis en tongue. Il me dit ouais, mais t'inquiète, t'es en Polynésie, tout le monde il est en tongue. On m'a mis un collier de fleurs, on m'a mis une couronne de fleurs. Et on m'a envoyé la bande son et en fait il y avait 350 personnes et les deux mariés qui ont ouvert le bal sur ma chanson d'amour de l'album qui s'appelle Et si c'était toi. Je viendrai jusqu'à toi, d'espoir me brûler les ailes. Si tes pas sur le sable s'estompent, je demanderai à l'océan d'en redessiner les ondes. Des barreaux invisibles, loin des cages solides, je t'attendrai. Et la lune est venue briller sur mon obscurité, et je me ferai nuit, mille et une vies, pour que la tienne. Je me ferai kilomètres, les routes, les années. Se poser et oser passer la grille. Vers un endroit presque oublié. Retrouver mes rêves et mes billes. Toujours de passage. Ici je remonte les heures. Je n'ai plus de barrière, de barrage. Enfant, libre, voyageur. Et à pieds joints dans le ciel. Pour retrouver l'amour en moi. Et comprendre pourquoi elle allait. Jusqu'à la dernière note, Mélanie Dis avec La Cour. Tu veux nous en parler un petit peu de cette chanson-là? Déjà, je vais expliquer. Elle vient aussi d'Astafor, cette chanson. Et elle a été créée avec Hervé Antoine. Je sais pas s'il est à l'écoute ou pas, mais en tout cas, s'il est sur TikTok ou à l'écoute à l'antenne, je lui fais plein de gros bisous parce que c'est une très très belle chanson. Et justement, on s'est inspiré, comme on n'avait pas trop d'idées, on s'est inspiré en fait d'être, à Astafor, faut savoir que le Centre des Écrits, c'est l'ancienne école de Francis Cabrel. D'accord. Et okay. Donc, du coup, quand on arrive là-dedans, c'est une cour d'école avec la marelle, avec les tables, et ils ont appelé ça la cour de création. La cour de création. Voilà. D'accord. Au lieu d'appeler ça la cour de récréation, ils ont appelé ça la cour de création. Un petit peu, un petit jeu de mots avec justement l'histoire de cet endroit. Oui. Et on a été encadré par deux artistes qui étaient Ours. Donc le fils de Alain Souchon et Émilie Mars. D'accord. Voilà, qui aujourd'hui accompagne Gilles Kaplan. Ok, bah, Donc, en tout cas, on est encadré par des artistes de grande renommée pour justement pouvoir créer les chansons. Très bien, c'est bien de nous raconter l'histoire, qu'on réécoutera les chansons. En plus, moi, je trouve l'album super agréable à écouter. Alors là, ce soir, je connaissais quelques chansons de toi. Là, je découvre l'intégralité de l'album. Et je crois que je vais le faire tourner un petit peu chez moi pendant que je vais vaguer à mes occupations. j'aime bien mettre de la musique de fond, et comme ça sera ton album que je vais écouter cette semaine en tout cas, de merci. Manière à repasser encore des morceaux la semaine prochaine. La semaine prochaine, on reçoit ici Alex de la Paix, vous le connaissez, non? Non, c'est pas du tout. C'est un artiste qui vient de la région parisienne, et que je connais pas moi non plus, mais justement, ça sera l'occasion de le découvrir. Voilà. Je voulais juste faire aussi quelques petites annonces, donc, pour les événements qui vont avoir lieu. Alors, premier événement, c'est un concert organisé par l'association Mavrica, donc à l'auditorium de la Chapelle Saint-Mémin. Il y aura deux groupes, on va dire ça comme ça, il y a un trio et un duo. Swing Camille avec du swing manouche, donc et Recto Verso avec du pop folk rock franglais. Voilà. Qui sont d'ailleurs, et qui te donnent le bonjour et qui sont à Amboise ce soir. Qui sont Amboise, ouais, j'ai vu, voilà. Ils ont envoyé un petit message. Salut donc, les filles. Elles sont Amboise en concert ce soir et malgré ça, et nous avons pas un petit message, ça nous fait plaisir. Donc, ce concert-là, il aura lieu le samedi 21 février. Donc, c'est dans à peu près un mois, hein, à l'espace Bérère, donc dans l'auditorium. Et ça commence à 20h. Voilà. Donc, il y a tout pour passer une très bonne soirée. Donc, n'hésitez pas. Demain, il y aura un concert aussi au Dropkick. J'en ai parlé tout à l'heure un petit peu avec Full System. J'en ai parlé avec Christophe, voilà, tout à l'heure. Parce que on se parle comme ça des événements, où est-ce que tu vas demain, etc. Donc demain, il y a un concert au Dropkick à Orléans, c'est le bar rock de la ville d'Orléans. Il y aura le groupe Full System, un groupe que l'on a déjà reçu à plusieurs reprises dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Il y aura le retour de Orpheum Black, un groupe aussi qui est déjà venu dans l'émission Mavrica, que je connais depuis beaucoup de temps. Et ça, c'est vraiment un grand plaisir de les retrouver ensemble sur une scène. Et il y aura aussi un groupe de French Wave qui s'appelle Order 89. Je pense que je vais pas le dire en anglais, sinon je vais planter lamentablement. Order 89, c'est beaucoup plus parlant, on est sur une radio française. Et ça se passe donc demain au Dropkick à partir de 20h30. Voilà. Aussi, autre chose. Ah, le Mavrica Live aussi, le concert Mavrica Live qui aura lieu très bientôt. Ça sera l'édition numéro 16. Le samedi 7 mars à 20h avec deux groupes cette fois-ci. On va leur laisser plus de temps. Sur la grande scène, il y aura deux groupes au lieu de trois. Mais par contre, ils vont jouer plus longtemps. Il y aura le groupe Dérapade. Donc, ça sera un peu orienté sur la rock français. Il y aura le groupe Elixir aussi. Donc, Elixir, il y en a deux, hein. Il y a Elixir, l'Elixir, vraiment. Et l'autre, c'est c'est LXIR. Le groupe de métal, c'est pas eux. C'est pas eux. C'est les autres. Mais peut-être un jour, l'autre groupe aussi pourra venir pour une soirée spéciale. Donc, ça se passe le 7 mars à l'espace Bérère dans la grande salle cette fois-ci. Et, donc, ça sera le Mavrica Live numéro 16. Et puis, après, on va parler aussi j'ai pas mis le Creekfest. Bon, il y a le Zik and Dry. Alors là, c'est le 19 septembre. Hein, vous avez le temps. Il y aura plein de bons groupes. Alors j'essaie de regarder rapidement. Il y aura 8 groupes. Crucified Barbara, il y aura Hit, il y aura Sevi, Big Grog Show avec Earthline, un groupe que j'ai déjà eu l'occasion de voir, Kingdom of Toto, 5150, un tribute de Van Halen, N4, tribute extrême, et Prisma, le groupe qu'on connaît, hein, qui est déjà venu plusieurs fois dans nos studios, Christophe. Le groupe avec Christophe, hein, et donc un groupe qu'on suit, qui fait du hard mélodique, et ça sera donc le 19 septembre, donc on aura le temps d'en parler d'ici là. Et puis il y a aussi le Creek and Zik, mais je sais pas ce que j'en ai fait. Creek and Zik qui organise le Creekfest. Voilà. Je sais pas ce que j'en ai fait. J'essaie de le retrouver et je vous le redirai tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Voilà, donc tu veux faire ta petite chronique aussi? Pendant ce temps-là, je cherche. Écoute, on va y aller, c'est parti. Mmh. Et ben moi je vais simplement faire un petit clin d'œil à notre amie Émilie qui était là il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, la semaine dernière. Ouais. Hein, d'accord. Et je vais justement pour Émilie, c'est une dédicace pour toi. Je vais te parler du mythe du chapeau. Voilà, c'est toi qui m'as donné l'envie d'écrire ça ce soir. Donc salut à toutes et à tous. Bienvenue dans la chronique de l'émission Mavrica sur les ondes d'Arc-en-Ciel. Ce soir, on va parler de liberté, de sueur et de partage. On va plonger dans l'univers de la scène, de la rue et de ce fameux objet qui a traversé les siècles, le chapeau. Tendez l'oreille. Oyez, oyez! Cette phrase nous ramène direct au Moyen-Âge, à l'époque des troubadours où les jongleurs étaient les seuls réseaux sociaux. On les récompensait avec des pièces jetées dans un chapeau. C'est une tradition ancestrale qui a permis à des générations d'artistes de survivre. Mais attention, aujourd'hui, en 2026, le romantisme ne remplace pas le droit du travail. Nous allons évoquer le dossier noir. travail dissimulé à caractère lucratif. Entrons dans le dur. En France, il y a un texte fondamental, c'est l'article L7123 du Code du travail, et il pose la présomption de salariat. Dès qu'un artiste se produit pour un organisateur, il est présumé être un salarié. J'insiste sur un point crucial, le caractère lucratif du lieu. Si vous jouez dans un bar, un resto ou un club qui vend des consos, l'établissement fait du profit grâce à votre musique. Dans ce cadre, le chapeau ne peut jamais se substituer à un salaire. Utilisez le paiement au chapeau comme unique rémunération, évitez les charges, c'est du travail dissimulé, c'est illégal, point barre. L'illusion du complément, on entend souvent l'argument « mais c'est juste pour un petit complément, c'est pour les frais d'essence ou c'est pour que tu te payes tes cordes de guitare ». Attention, la loi ne reconnaît pas cette notion de petit complément non déclaré dans un cadre commercial. Le cumul interdit, si un patron de bar vous donne un billet de la main à la main et en complément du chapeau, c'est doublement du travail dissimulé. L'illusion du bénévolat, même si un artiste accepte de jouer gratuitement pour le plaisir, le gérant reste hors la loi. Le bénévolat au profit d'une entreprise commerciale n'existe pas. C'est classé comme une fraude pour éviter les cotisations. La seule exception réelle, le chapeau n'est un complément légal que s'il s'ajoute à un cachet déjà déclaré via Guzo. Là, il devient un pourboire comme pour un serveur. Alors, vous allez me dire, et le métro ? Ah, dans le métro parisien, avec les musiciens du métro RATP, c'est différent. Il n'y a pas d'employeur lucratif direct qui vend des bières pendant que vous jouez. La RATP délivre une autorisation d'occuper l'espace. Là, le chapeau est la règle. C'est une tolérance historique pour la performance de rue. Mais dès qu'on pousse la porte de l'établissement privé, les règles changent totalement. La vibration, jam session, ah, et le bœuf alors ? Cette philosophie de partage, on la vit dans les jam sessions et les scènes ouvertes. Mais là aussi, ne vous cachez pas derrière le mot « jam » ou « jam pas » pour éviter les déclarations. Si le lieu est lucratif, l'artiste doit être protégé, contrat ou protocole. Côté ambiance, il y a une différence. La jam, souvent, côté jazz, c'est de l'écoute. Mais le bœuf d'expérience, c'est plus sauvage. On quitte le velours du blues, du rock et du boogie-boulga. Variétoche, c'est parfois la foire d'empoigne. Celui qui jouera le plus fort, les scènes encombrées d'ampli et de Larsen qui font saigner les oreilles. Pour la petite histoire, le nom bœuf vient du restaurant parisien Le Bœuf sur le Toit des années 20. Jean Cocteau y traînait, Picasso aussi. Les musiciens venaient y improviser après leur service payé. Ils avaient déjà leur statut de travailleur aussi assuré. En conclusion, déclarer, c'est respecter. Pour finir, la musique, en fait, est une fête, une passion, un plaisir, mais c'est aussi un métier. Ne laissez pas la précarité s'installer sous prétexte de passion. Pour le gérant, les sanctions sont lourdes, 45 000 euros d'amende et jusqu'à 3 ans de prison. Un contrôle URSSAF peut couler votre boîte. Protégez-vous, utilisez le Guzo pour les pros et les défrayants avec facture pour les amateurs. On en reparle prochainement. Pour l'artiste, ne bradez pas vos droits pour un chapeau vide. N'oubliez pas que les poches sont souvent percées et que les cartes bleues et montres connectées remplacent le billet. Allez, c'était Didier en chronique sur Mavrika. Merci de m'avoir écouté sur 96.2 avec Albino, notre invité. Et allez-y, jouez fort, jouez bien, jouez déclaré. À très bientôt et en avant la musique. En avant la musique. Très bien, merci en tout cas Didier pour cette chronique, parce que c'est vrai qu'on parle plein de choses et toi tu mets les choses au clair. Tu as créé d'ailleurs un livre à ce propos, donc qui s'appelle En avant la musique entre passion et business. Et régulièrement dans l'émission Mavrika, tu viens nous lire justement quelques chapitres. Et on avait discuté du chapeau et les choses sont plus claires que ça. Et il y a plein d'amalgames de faits chez les professionnels comme chez les amateurs, et bien souvent chez les gens qui nous payent, qui nous défraient, qui connaissent pas ou qui ne veulent pas connaître et qui passent à travers. Et le jour où ça leur tombe dessus ou ça te tombe dessus, ça fait mal. Les gens le payent cher, voilà. C'est vrai. C'est vrai que c'est important de le savoir. C'est vrai qu'on nous propose souvent ce genre de prestations. On a eu une scène, on vous offre les consos et puis on fait tourner le chapeau. Ben non, en fait. Hein, c'est vrai que... Si tu peux faire tourner les serviettes, faire tourner le chapeau. Oui. Voilà. Mais c'est vrai que ça arrive très très vite. Hein. Ça vous fera de la pub. Ouais. Mais non. Ça peut coûter très cher, surtout quand tu commences à être un petit peu visible. Et d'autant plus maintenant avec les réseaux sociaux, que ce soit l'amateur ou autre. Moi, personnellement, c'est ce que je disais à Joël tout à l'heure, le groupe que j'ai, en fait, produit pas mal de comment dirais-je, enfin produit marque pas mal de prestations. Et je sais que derrière, il y a des gens de la SACEM, parce que j'ai une personne de la SACEM qui me l'a dit par téléphone, comme quoi ils étaient. Ah oui, mais vous êtes Monsieur Intel, et c'est vous qui avez. Oui, c'est moi. Ah, et ben on a quelqu'un de chez nous qui regarde et qui voit les postes passer. Et ah il voit les groupes amateurs. Ils ont des personnes qui sont payées pour regarder les articles de presse, pour voir où est-ce que vous vérifiez que les autorisations ont bien été réglées. Pas pris, mais le jour où t'es pris, bah tant pis. Exactement. Donc, moi, mon rôle, il n'est pas de simplement, je le sais, j'avertis, et comme je diffuse pas mal de groupes et que je les fais venir, je me couvre, et plutôt que de faire recherche un petit peu partout, bah, j'ai tout condensé dans ce livre qui vient de sortir il n'y a pas si longtemps que ça. Et je raconte un petit peu aussi ma vie d'artiste, mes débuts de chanteur avec Annie Cordy, et j'avais 12 ans, et ainsi de suite. Et puis voilà, après ma rencontre avec Alex Lebaille, d'ailleurs, qui m'a signé la préface, il faut quand même le dire aussi. Et puis voilà, quoi. Donc, place aux artistes. Très bien, donc c'était important de souligner ça. Et depuis quelques temps, tu nous rappelles souvent certaines règles qu'il faut absolument respecter quand on fait quand on est artiste ou quand on fait jouer des artistes. Voilà. Ouais, bien sûr. Surtout au niveau commercial. Ouais. Je reviens juste au Creekfest, parce que tout à l'heure ma page était partie. Donc le Creekfest, ça se passe comme tous les ans. Donc ça, c'est au stade rue du Stade. Donc c'est à Cléry-Saint-André. Je cherche le nom de la salle, je l'avais, c'est la salle. Bon, c'est pas bien grave. Ouais, parce que je le savais, mais bon, là, il est pas mentionné dessus. Bon, c'est pas bien grave. Donc, le groupe, l'association Creek for Zik organise la cinquième édition de Creekfest. Et donc, ça se passe à Cléry-Saint-André, comme d'habitude. De toute façon, quand vous irez, vous verrez forcément les panneaux. Et il y aura, cette année, il y aura le groupe DGM du Metal Prog, Amon Sethys avec du Metal Prog à nouveau. Prisma, c'est le groupe qu'on connaît bien, qui fait du hard mélodique, et il y aura Épitude du rock prog. Donc ça sera quand même une édition consacrée au rock prog. Donc l'ouverture des portes est à 18h30, donc il faut aller voir ce concert. C'est toujours des très bons concerts. Moi, je sais que c'est pas la musique que j'écoute tout le temps, mais ça me fait vraiment plaisir. Et puis ça nettoie les oreilles, vous allez voir, ça va vous faire du bien. Samedi 11 avril, par contre, pardon. Oh, je sais plus où j'en suis. Samedi 11 avril 2026. Donc c'est dans quelques mois, hein, ça va arriver très vite. Et c'est à Cléry-Saint-André. Voilà. On revient à Mélanie, parce que c'est notre invitée de cette émission numéro 670. Ah, et là, c'était bouffé. On lui a mangé un quart d'heure, dis donc. Oh. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a une question, justement? On arrive à la fin de l'émission. Je pense tu as raconté plein de choses. On a appris beaucoup de choses de toi. Est-ce qu'il y a une question, un sujet qu'on n'a pas abordé, que tu aimerais aborder? Non, je crois qu'on a presque tout abordé, en fait. Parce qu'après, on peut continuer, mais c'est vrai qu'on peut développer. Mais après, on repart sur notre émission et tu vas être obligé de revenir prochainement. Quoi, on reviendra prochainement pour en reparler. pour annoncer plus de concerts quand ça sera bien, bien concret. Parce que là, c'est le mois de janvier, donc c'est vrai que tout est en train de se mettre en place pour l'année. Donc, puis on a encore trois titres à découvrir de l'album. Oui. Donc, ce serait bien qu'on les passe tous, ce serait bien. Justement, on s'est débrouillé pour essayer de tout caler. Et c'est vrai que souvent, on arrive à se débrouiller assez bien. Alors, il faut savoir que notre ami Florent, qui fait les podcasts, aujourd'hui, va être obligé de couper l'enregistrement à 22h. Donc, si on dépasse de 22h, il n'y aura pas dans le podcast ce qu'on aura en plus. Donc, voilà, c'est comme ça. Il faut respecter les règles. Florent, qu'on remercie pour son travail. Parce qu'à chaque fois, il y a énormément de gens qui nous demandent, j'ai pas pu écouter l'émission, est-ce qu'il y a des podcasts? Je t'en parlerai juste tout à l'heure en off, mais j'ai eu la réponse par rapport à la question qu'on se posait sur les podcasts, sur un côté des droits. J'ai eu la réponse. D'accord, ok. Officielle. Très bien. Donc, bon, on va continuer à écouter de la bonne musique, alors. Eh ben, on continue sur l'album. Alors l'album, le morceau d'après. Donc, on a La vie comme un jeu. Ouais, c'est ça. Et c'est après... bien, tu connais bien les trucs, parce que moi, j'étais en train de chercher le titre. La vie comme un jeu. Et ouais. Si tu enchaînes, après, on a la chanson, justement, que j'ai écrite pour mon fils. D'accord. Donc, La vie comme un jeu, tu veux nous en parler un petit peu la rapidement vie comme un, La vie comme un jeu, c'est une chanson qui m'a été proposée par Guillaume et par... Guillaume. D'accord. Et Guillaume, qui a des très très belles chansons aussi. Quand cette chanson, elle était destinée en fait à une participante à l'Eurovision pour la France, et elle lui a dit que non, elle en voulait pas de sa chanson. Et quand je l'ai entendue, moi j'ai dit bah tant mieux qu'elle en veuille pas, parce que moi elle me plaît beaucoup en fait. Et elle est exactement comme je vois la vie, exactement comme un jeu. Et tu vas aller la faire à l'Eurovision? Non, je voterai pour toi. J'aimerais bien, mais je pense que je n'ai pas les managers ni les producteurs pour cela. Donc, allez, va savoir. Tu as quand même Mavrika. Et crois en tes rêves, ça c'est important. Crois en tes rêves. Oui, j'y crois, voilà. Mais j'ai quand même aussi un côté logique. J'ai aussi un côté logique qui sait aussi que le haut du panier, que ce soit TF1, que ce soit The Voice, que ce soit Incroyable Talent ou que ce soit l'Eurovision, je sais aussi que c'est destiné à une certaine catégorie de personnes. Et tant que je n'ai pas ces personnes-là dans mon entourage, je sais que la marche est très très haute pour y accéder, surtout quand on a 40 ans. Voilà. Très bien, donc. Crois en tes rêves. Mais moi, je crois surtout que c'est le public qui a encore le pouvoir de faire qu'un chanteur ou une chanteuse comme moi puisse sortir de l'obscurité. Donc je mise tout sur les gens qui me découvrent et qui me soutiennent. Ah, exactement. On va tous voter sur TikTok, je vais m'inscrire tout à l'heure. Je pense que dans mon cas, il n'y a que le public qui pourra me faire sortir de l'ombre. Donc c'est pour ça que je les remercie, parce qu'il y en a qui me suivent depuis très très longtemps, il y en a qui viennent juste d'arriver et qui sont à fond, et je sais que c'est, pour mon cas, je sais que c'est le public qui fera que je pourrai sortir de l'ombre. Voilà. La vie comme un jeu. Exactement. Danser, comme un jeu. De la patience, beaucoup de passion. Un alignement de planètes et des étoiles plein la tête. Beaucoup de chance, beaucoup de chansons. Je prends des trains, des routes, je me faufile entre les gouttes. Toucher du bois, croiser les doigts pour que ça dure. Faire les bons choix, suivre les lois de ma nature. Sourire le plus souvent. Je veux sourire à tous les gens. Danser autour du feu. Prendre la vie comme un jeu. Prendre la vie comme un jeu. Et sourire à chaque instant. Je vais sourire encore longtemps. Danser autour du feu. Prendre la vie comme un jeu. Prendre la vie comme un jeu. À fleur de peau, beaucoup de poèmes. Je me récite par cœur toutes les règles du bonheur. Il y aura des bas, des hauts, de beauté aux rêves. Je n'ai pas la formule secrète, mais je fais de chaque jour une fête. Toucher du bois, croiser les doigts pour que ça dure. Faire les bons choix, suivre les lois de ma nature. Sourire le plus souvent. Je veux sourire à tous les gens. Danser autour du feu. Prendre la vie comme un jeu. Prendre la vie comme un jeu. Et sourire à chaque instant. Je vais sourire encore longtemps. Danser autour du feu, prendre la vie comme un jeu. On ne sait jamais de quoi sera fait demain. On n'a pas tous les jours les mêmes cartes en main. Mais quand je vois ton sourire en face du mien, j'ai juste envie de sourire le plus souvent. Je veux sourire à tous les gens. Danser autour du feu, prendre la vie comme un jeu. Prendre la vie comme un jeu. Et sourire à chaque instant. Je vais sourire encore longtemps. autour du feu, prendre la vie comme un jeu. Prendre la vie comme un jeu. Quand les rives viendront creuser leur sillon autour de mes yeux, que ta chambre sera rangée, plus de linge qui traîne, plus de cheveux. Ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas. Quand le temps viendra m'arracher tes cris et tes rires de mots, qu'il t'emmènera voyager, passer d'enfant à bel homme. Ne m'oublie pas. Une place pour moi, partout où tu iras, emmène-moi avec toi, même si je reste là. Garde une place pour moi, partout où tu iras, emmène-moi avec toi, même si je reste là. Ne m'oublie pas. Je ne serai plus assez forte pour te porter dans mes bras. Sache que derrière ma porte, mon sourire t'attendra. Ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas. Si ta maison devient sombre, souviens-toi de la mienne. Peu importe la raison, l'essentiel c'est que tu viennes. Une place pour moi, partout tu iras, emmène-moi avec toi, même si je reste là. Garde une place pour moi, partout tu iras, emmène-moi avec toi, même si je reste là. Ne m'oublie pas. Sur mes yeux, tu n'auras pour m'aimer que des souvenirs, j'espère heureux. Voilà encore deux très belles chansons, franchement des très belles paroles, et puis toujours aussi agréable à écouter, une très belle voix. Ce soir, Mélanie 10 est notre invitée de cette émission numéro 600. 10 sur 10, je dirais, moi. Ouais, moi aussi. comme à l'école des fans, pareil. 10, donc 10 aussi. Très bien, en tout cas, super agréable à écouter. Et, des très belles paroles. Et moi, j'essaie d'écouter un peu les paroles, tout ça. Mais comme je suis un petit peu concentré sur l'émission, je crois que je vais réécouter parce que c'est... Ouais, écouter et réécouter parce que des fois, il y a des choses qui nous échappent un petit peu. Et avec les explications que tu nous as données, ben, il y a des choses qu'on, dans lesquelles on va se reconnaître forcément. Donc c'est l'émotion que tu as réussi à nous faire transmettre dans cette émission. En tout cas, il nous reste encore un morceau et demi, c'est ça? Deux morceaux, oui. Un petit quart d'heure. Parce que tu m'avais dit tout à l'heure, hein, il restait trois morceaux, mais il y a il y a le bonus. Il y a le bonus de l'album où c'est un duo justement avec Carnet de route. On a le temps de diffuser, donc oui. on est dans les temps, on est bien impeccable. Donc on arrive à la fin de cette émission. Est-ce qu'il y a un message que tu veux faire passer auprès des auditeurs? Le message que je pourrais faire passer, c'est de s'intéresser, alors peut-être pas trop à ce qu'on nous vend sur TF1 et tout ça, mais de s'intéresser surtout aux petits artistes, parce que les Jacques Brel, les Charles Aznavour, les tous ceux qui ont fait en fait les piliers de la chanson française étaient des personnes comme moi à l'époque, des personnes qui étaient inconnues et qui se sont accrochées très très fort à leurs rêves. Donc si ils aiment ma voix, si ils aiment mes chansons, si voilà, si ça leur a parlé, c'est de les partager, de se dire bah tiens. Un peu comme, je sais pas si vous voyez le film Un monde meilleur, ce petit garçon qui a inventé le concept de je rends service à trois personnes qui rendront service aussi à trois personnes sans rien attendre en retour. Et je pense que si on pouvait faire ça au niveau de la musique, il y aurait plein d'artistes comme moi qui ont beaucoup de talent mais qui sont nés peut-être dans des conditions ouvrières avec zéro contact pour démarrer leur passion. C'est voilà, bah faites passer le message à trois personnes et dites-leur, tiens, toi aussi, fais passer le message à trois personnes pour faire découvrir cette personne. Ça, c'est important. Et peut-être que grâce à ce mouvement-là, un producteur ou un manager s'intéressera à ce travail et me permettra de pouvoir faire connaître mes chansons au plus grand nombre avec bienveillance et humilité. Très bien, le message est passé. Et c'est vrai que c'est un petit peu le combat qu'on a, nous, dans l'émission Mavrika, parce que nous, on aime bien recevoir des artistes. Certains sont professionnels, certains sont connus, d'autres qui le sont beaucoup moins, d'autres sont carrément débutants. Et nous, on se dit, il y a une phrase qu'on dit assez souvent, c'est les artistes internationaux, avant d'être internationaux, ils étaient des artistes locaux. Ils ont commencé dans leur garage ou dans leur chambre et petit à petit, ils sont devenus les artistes qu'on connaît aujourd'hui. Donc, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont le potentiel et ils n'ont pas forcément la facilité de grimper, de faire des grands concerts. Et ce qu'il faudrait, c'est justement en parler. Quand il y a des gens qui ont du talent, il faut vraiment en parler beaucoup, partager les choses sur les réseaux sociaux pour dire que c'est bien, mettre des petits pouces en l'air. Ces petites choses comme ça qui peuvent permettre aux artistes d'évoluer. Tout voilà. À fait. Internet, c'est une grande toile d'araignée, donc il faut continuer de partager. Dès qu'on a un coup de cœur, on se dit tiens, c'est sympa ce qu'elle fait, bah c'est partage. Voilà, ça engage à rien, c'est gratuit et puis ça peut faire beaucoup de bien. Très bien. Donc le message est passé. Excuse-moi. Vas-y. Le partage est très important. Le partage sur scène, le partage par l'écoute, mais aussi le partage par les réseaux sociaux, comme tu le disais, parce que c'est là qu'on peut. Et c'est pas uniquement, malheureusement, comme tu le disais, je te rejoins pas toujours pareil. Le pouce en l'air, pour moi, n'a aucune signification. Ça veut pas dire grand-chose. Voilà. Mais nous, quand on le voit, on peut très bien le faire. Surtout par rapport au partage, si on veut vraiment faire connaître sur un plan technique. Le pouce en l'air n'est pas trop comptabilisé dans les algorithmes, c'est ce que je voulais te dire. Le côté de partager, de communiquer, de faire un petit commentaire, simplement, oui, coucou, je suis vrai. Là, c'est moi. Les algorithmes aiment ça, ils en sont très gourmands. Donc, plutôt qu'un pouce en l'air, prenez 30 secondes, venez dire à un artiste ou une artiste, j'ai apprécié, j'aime pas, je te suis ou je te suis pas. Bah après, s'ils aiment pas, ils sont pas obligés de le dire. Ils sont pas obligés de le dire. Ils peuvent garder pour eux. Il faut aussi accepter quand les gens n'aiment pas. Oui, mais je veux dire, moi je suis pas pour le fait de dire quand on n'aime pas. Parce que c'est relatif à la personne qui écoute. Et moi, il y a certains artistes que j'aime, d'autres que je n'aime pas, mais ceux que je n'aime pas, je ne vais pas aller mettre un commentaire en disant, oh, j'aime pas ce que tu fais. Non, je dis pas que c'est mal. C'est comme quelque chose que tu vas manger. Tu vas dire, je n'aime pas le goût, je dis pas que c'est mauvais. Oui. Je n'aime pas. C'est pas après de dire qu'on n'aime pas, je vois pas l'intérêt. Enfin, moi, tu vois, une fois, j'ai une collègue, quand j'ai commencé à chanter, j'ai fait des petits boulots et j'ai une collègue qui est venue me voir et qui m'a dit, j'aime pas comment t'es habillée. Je l'ai regardée, je dis, je suis désolée pour toi. Pourquoi t'es désolée pour moi? Je dis, parce que toi, tu vas devoir me supporter toute la journée. Moi, ça me plaît. Donc, je dis, toi, tu vas me supporter toute la journée avec cette tenue que tu n'aimes pas, mais ça ne regarde que toi. Quand on n'aime pas quelque chose, non, je pense qu'il faut le garder pour soi. C'est pas la peine de le partager. Alors, quand on aime aussi, alors? Quand on aime, il faut le dire. Ah non, il faut le dire. Ça, c'est... Parce que, justement, c'est valorisant. Mais c'est valorisant. Quand on n'aime pas, c'est propre à sa personne. Donc, je vois pas l'intérêt de partager quand on n'aime pas quelque chose. Moi, je suis d'accord. Le problème des réseaux sociaux, c'est quand on dit qu'on n'aime pas, c'est que ça engendre après des commentaires de haine, de méchanceté, de colère plus facilement que quand il n'y a rien de tout ça. On peut dire j'aime pas. tout simplement parce que si ou parce que ça, mais c'est pas pour ça qu'on ne t'aime pas à toi, on n'aime pas peut-être le titre, la chanson, la voix. Oui, mais aller le dire à l'artiste, qu'est-ce que ça peut lui faire? Lui, il est là pour créer et pour te donner ce qu'il fait. Ouais, c'est une façon de... Voilà. On a déjà eu cette conversation-là ici dans l'émission il y a quelques années, et moi, je comprends pas l'intérêt. D'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure en début d'émission, dans l'émission Mavrika, quand on aime, on dit, quand on n'aime pas, on n'en parle pas. Voilà, je vais pas dire tel groupe. Moi, dans l'émission Mavrika, j'en suis à 670 émissions. J'ai reçu je sais pas combien de projets. Il y a eu des émissions qui se sont mal passées. Il faut quand même bien le dire. C'est une minorité. Hein. C'est vraiment 99,99 qui se sont bien passées. Mais je vais pas pour autant donner le nom de la personne que je réinviterai plus. Ce que je veux dire à travers l'absence, ça permet aussi à l'artiste ou à la personne telle qu'elle soit, ça peut être un peintre, ça peut être de revoir. Bah j'aime pas. Pourquoi t'aimes pas? Parce que ça et ça. Ah ouais, tiens, ça c'est vrai. Je l'avais pas vu. Ça permet aussi de temps en temps de se remettre en question et de voir. C'est sur cette chose-là. Non, moi quand les gens viennent me dire qu'ils aiment pas, je m'en fous complètement. Moi je dis argumente. Moi je dis quand on me dit j'aime pas ce que tu fais, je dis vas-y, je t'écoute, argumente. Moi je perds pas mon temps avec ça. Voilà. Bon, allez. Si je viens te voir et que je te dis bon, alors qu'est-ce que t'en penses, oui là j'attends ton commentaire. Si je te demande pas ton avis, dans le sens où l'artiste il vient te dire alors qu'est-ce que t'en as pensé, oui là c'est qu'il attend un truc parce qu'il est pas sûr et qu'il cherche des avis. Mais quand l'artiste il vient et qu'il te présente un truc, c'est sa patte, c'est son identité du moment, c'est sa personnalité du moment. J'irai pas lui dire j'aime pas, parce qu'en fait que j'aime ou que j'aime pas, ça ne concerne que moi. Lui il me donne quelque chose, après j'aime ou j'aime pas, mais ça ne concerne que moi. Lui il me propose quelque chose. C'est une façon de voir les choses. Moi je suis plutôt d'accord avec Mélanie. Je vais même t'avouer quelque chose. Depuis qu'on fait l'émission, alors je mets le programme, il y a des petits commentaires pendant l'émission et même après. Il y a des petits commentaires, il y a des j'aime, des choses comme ça. Jamais, je n'ai eu un commentaire négatif. Alors, parce qu'après, Et je trouve ça bien. Parce que ça évite l'hypocrisie aussi. Je vais te dire une chose, si un jour il y en a un négatif, il saute. Voilà, c'est tout. Je suis là pour mettre en valeur les gens. Comme on dit, si tu aimes, dis-le. Si tu n'aimes pas, passe ton chemin. On est d'accord. Ouais, d'accord. Voilà. Bon, je passe mon chemin. Allez, Didier. Didier, si t'es pas content, tu passes ton chemin. On a encore quelques titres à écouter. Reste-moi jusqu'à la fin, même si c'est une souffrance. Non, j'aime pas, je vais pas rester. Voilà. Donc, on arrive à la fin de cette émission. Et si on veut que tout tienne dans l'émission, il va falloir qu'on envoie les titres. D'accord. Avant d'envoyer les titres, on va dire un dernier mot. Quand même, parce qu'on va finir avec les titres à la limite. Et ce que je voudrais dire, c'est déjà remercier tous les gens qui nous ont écoutés, remercier Radio Arc-en-Ciel de nous permettre de faire cette émission, remercier tous ceux qui sont intervenus sur le Facebook, par téléphone, etc. C'est toujours un plaisir. Et puis remercier surtout les artistes qui viennent dans l'émission. Et ce soir, Mélanie, on a passé un super moment avec toi. Je crois qu'on aurait pu continuer encore des heures, mais bon, 3 heures finalement, c'est très long. On arrive à la fin, on se dit c'est plus assez long. Il va falloir que tu reviennes une prochaine. Je t'avais dit que j'étais bavarde. Non, mais c'est bien. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça. Si le temps passe très vite dans mon émission, c'est que ça s'est bien passé. Sens qu'il y a des longueurs dans l'émission, ça m'est arrivé très rarement, mais des fois, ça m'est arrivé. Et ça veut dire que bon, il y a des fois, ça s'est pas passé comme j'aurais voulu. J'aurais voulu que ce soit un petit peu plus animé. Et c'est le cas ce soir. Donc, merci à toi, en tout cas. On garde le contact, de toute façon. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité, de m'avoir donné la chance, de pouvoir vous proposer mon nouvel album. Et puis, merci à tous les auditeurs qui ont suivi et les TikTokers voilà qui sont là aussi avec et moi Joël. Et Joël qui est très discrète. Donc merci vraiment pour l'invitation, merci de m'avoir fait une petite place dans l'emploi du temps. Après on rendra l'antenne et puis on continuera à discuter un petit peu si vous voulez, et puis on prendra aussi les photos, donc des souvenirs de l'émission. Donc ça c'est important. On va dire les phrases magiques à la fin de chaque émission. On dit toujours les phrases magiques, on dit que le rock'n'roll c'est avec vous. Donc quand je dis rock'n'roll, c'est la musique qu'on aime, donc c'est aussi la musique en général, tout simplement, hein, parce que aujourd'hui on peut pas dire que ce soit vraiment du rock'n'roll, mais c'est la musique qu'on aime, donc voilà. Non, là c'est la femme qui était rock'n'roll plus que la musique. Ouais. La musique, on peut dire c'est de la belle chanson française. C'est de la belle chanson française. Voilà, c'est comme ça que je le qualifie. On va dire aussi qu'une vie sans musique serait une erreur. Je pense que tout le monde est d'accord dans cette émission. Et everything is gonna be alright. Donc toujours un message d'espoir dans l'émission Mavrika. On est toujours positif, hein, nous, malgré tout ce qui se passe dans le monde. Nous, on continue notre chemin, continue à poursuivre nos rêves. Ça, c'est le plus important. Et donc cette émission est terminée. On va remercier tous les auditeurs. On va souhaiter à tous les auditeurs une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne semaine, un bon week-end, une bonne week-end semaine. Surtout, parce que... et puis on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, avec Alex de la Paix. Donc on va découvrir cet artiste qui nous vient de la région parisienne. Et donc encore de nouvelles aventures pour l'édition numéro 672. Voilà. Merci beaucoup Mélanie, encore une fois. On écoute les derniers morceaux. Quelque chose à rajouter, peut-être une dernier truc hop. Merci à tous les auditeurs, vraiment. Et si vous voulez donner un coup de pouce à l'artiste que je suis, partagez un maximum les chansons de cet album sincère. D'autres villages, d'autres saisons. J'avais la tête ailleurs et le cœur en voyage. Loin de vos paysages, de vos chansons, j'ai croisé mille visages, quelques dragons. Je ne m'étais pas perdu, je rentre à la maison. Retrouver l'envers de mon décor. Retrouver l'endroit où il fait chaud, bien plus que de l'or, à la source du ruisseau. Dans vos bras, dans vos bras. Revenir juste là, une bulle sous un toit. Dans vos bras, dans vos bras, dans vos bras. C'est l'amour. Juste ça, ma maison, elle est là, dans vos bras, dans vos bras. Qu'importe les escales et les détours, le nombre de nuits, la distance des jours, même sans boussole, je sais, je reviendrai toujours. Retrouver l'envers de mon décor. Retrouver l'endroit où il fait chaud, bien plus que de l'or, à la source du ruisseau. Dans vos bras, dans vos bras. Revenir juste là, une bulle sous un toit. Dans vos bras, dans vos bras, dans vos bras. C'est l'amour, juste ça. Plus à tous ces gestes disparus, de ces parfums que... qui flotte autour de moi. Dans cette pièce où ton absence est roi. De ce vide autour de cette table. De tous tes silences interminables. Je te donne ces mots qui parfois nous abandonnent. Dans ce jardin où plus rien ne résonne. Là où ne sonne plus les matins où tout allait bien. Cruelle absence de nos plus belles lueurs. Au bord des rives des silences de ton cœur. Mélancolie aux couleurs du printemps. Le bruit du vent chassant les sentiments. De ce rivage où l'amour devient une ombre. Tel un écho qui se perd et qui sombre. Tragique histoire au funeste décor. Un juste reflet de nos corps à corps. Et je te donne ces mots qui parfois nous abandonnent. Dans ce jardin où plus rien ne résonne. Là où ne sonne plus les matins où tout était bien. À l'image d'un bouquet de fleurs condamnées. De ce cœur qui bat quelque part. Encore. Encore pour toi. Et je te donne. Je te donne. Je te donne. Je te donne. Je te donne ces mots qui parfois nous abandonnent. Dans ce jardin où plus rien ne résonne. Là où ne s'aime plus les matins. Où tout était bien. Et je te donne ces mots qui parfois nous abandonnent. Sur ce chemin où plus rien ne résonne. Là où ne pousse plus. C'est sur le 96.2 FM. La campagne produziu o contacto direto com cada português.